the feet that kindly spoke. There's already among us who feel life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start so fastly now, the hour is getting late. Servants too. How do you run the distance? A wildcat that draw. Two riders were approaching, and the wind started to howl. Possède une intelligence surhumaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Now, here comes the music. We're online. Éternel, Marie Carmou. sent bien. Ton émission, c'est bien le cœur, on n'y manque de rien. Les amitiés se mélangent, ça sent la vérité. Une liberté d'échange, en toute sincérité. America, les couleurs de l'arc-en-ciel. America, sur tes ondes éternelles. America, l'amour, America, l'ami, l'émission du soir, le vendredi. America, merci. La maison de toutes les musiques et la raison du cœur. Les horizons cosmopolites dans la bonne humeur. L'équilibre des influences et des compositions. Tous les artistes disent merci tonton. Marika, les couleurs de l'arc-en-ciel. Albino, quel talent. David avec sa rubrique, Morgan, Alicia, photographiant. Unanimité authentique, des auditeurs fidèles. La Marika Family DJ. Marika, les couleurs de l'arc-en-ciel. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. L'émission Mavrika à partir de 20h30 le vendredi soir, eh ben on est là, hein, comme d'habitude. Il y a très peu d'émissions finalement où on n'est pas là, hein, très peu de vendredis, donc on a fait la petite coupure annuelle, donc pour l'été. Pendant 2 mois, on vous a manqué, j'espère, et puis on est revenu, donc il n'y a pas très longtemps, avec le 6 septembre, c'était le groupe Cardioid qui était ici dans le studio. Le 13 septembre, la semaine dernière, donc c'était le groupe Westerlins. La semaine prochaine, on va faire une petite émission spéciale avec notre ami Fabien Dumas qui va nous parler de son événement qui s'appelle Ensemble Maintenant et c'est organisé par l'association des Sons Arpents. Le 4 octobre, nous allons recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel Scarlett Black. Alors Scarlett Black, ben, c'est la première fois qu'on reçoit sous ce nom-là, mais c'est des gens qu'on a déjà reçus, donc on en reparlera très bientôt. On recevra aussi les Burning Head, on va recevoir aussi le 1er novembre le groupe Hype Me qui revient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y a aussi Léo Zbla qu'on va écouter tout à l'heure, le groupe Tia qui est le gagnant du concours Jarge Blage. On aura aussi, tiens, déjà ce qui est marqué, il y aura aussi le groupe Lajari qui viendra comme d'habitude, vous savez, tous les jours vers Noël, c'est un petit peu notre cadeau. Et donc le 20 décembre, ils seront avec nous. Voilà pour les dates vraiment sûr. Après, il y a aussi d'autres gens qu'on voudrait recevoir, et d'ailleurs, on est en train en pourparler pour justement les recevoir. Donc il y aura le groupe Infernal Flash Pep, il y aura Jonas aussi, Maisel, Tonio, les Mockingbirds. Et puis d'autres personnes aussi qu'on a eu l'occasion de rencontrer, donc j'essaie de me souvenir de tête, hein, c'est vraiment de tête. Donc le groupe Odéon 41 qu'on a rencontré aussi, il va y avoir aussi le groupe Duke, hein, il faut qu'on arrête aussi une date avec eux parce que ils ont vraiment envie de venir dans l'émission et on a vraiment envie de les recevoir. Il y en a encore d'autres, hein, il y a les Infernal Flash Pep, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un album qui va sortir très bientôt, donc on va essayer de réserver une date, normalement ça devrait être prêt pour le mois de décembre, donc on vous en parlera en temps et en heure. En tout cas, tous les vendredis c'est des artistes en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors aujourd'hui, je ne vous l'ai pas encore dit, c'était l'émission numéro c'est pas jour dans mon tableau, hein, ça tombe pas bien, j'ai fait tableau Excel et puis finalement ça se décale un petit peu, mais moi j'en suis sûr, c'est le 421e émission et nous recevrons ce soir les Ailes au Nord, hein. Depuis le début de l'émission, on a écouté déjà un petit peu de musique. On a écouté les Stingers avec une reprise qui s'appelle All Around the Watchtower. Et juste après, c'était le collectif Mavrika avec la chanson Mavrika qui avait été interprétée par de nombreux artistes qui composent plusieurs groupes qui étaient venus dans l'émission Mavrika. Et l'écriture et la composition venaient des Garens. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Alors la petite musique, c'est la petite musique du studio parce qu'on va accueillir tout de suite nos invités. On va déjà discuter un petit peu avec notre ami Didier. Ça va Didier ? Salut tout le monde. Bon alors, la semaine s'est bien passée ? Bah, écoute, impeccable. Hein. Il y a eu de la musique, des concerts, des choses comme ça que tu as faites, hein ? Ouais, samedi soir, ouais, je suis allé à Fleury. Ouais. Ah oui, je suis allé voir The Grape et puis nos amis Stinger, voilà. Dimanche, je me suis fait les jardins en fête à Maroupré. Ouais, et tu as été voir quel Missing, groupe Missing, et puis bah, Thérèse Électrique, évidemment. Oui. Ça, c'est obligatoire. C'est le groupe que tu suis aussi, il faut pas l'expliquer. Et voilà. Puis hier soir, Why Not, au VNB. Alors, c'est bien ou c'est vrai que c'est un groupe que je connais pas encore, mais c'est bien. Ouais. Bon, de toute façon, ils ont leur place dans l'émission Mavrica. Tout à fait. Qu'un jour, on les invite aussi. Voilà, on a tellement de demandes, c'est pas toujours facile de concilier tout le monde, mais on y arrive. Hein, on y arrive petit à petit avec un peu de patience. Et ce soir, nous recevons ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel donc des personnes qui sont déjà venues. Voilà, c'est pas la première émission, mais justement, ça nous fait plaisir aussi de voir les gens qui viennent chez nous et qui reviennent. Hein, c'est la preuve que ils sont contents d'être là, et puis quand on les réinvite, ils reviennent aussi, et puis ils vont nous parler aussi de la sortie de l'album et de tous les nouveaux projets. Il s'agit du groupe Les Ailes au Nord. Bonsoir Stéphane, bonsoir Ariane. Bonsoir. Voilà, bah, pour une fois les micros sont pas trop mal dès le départ, parce que souvent j'y règle un petit peu, et là donc vos voix passent très bien. Alors le groupe Les Ailes au Nord est un duo. Alors pour les gens qui ne connaissent pas encore pour l'instant, vous étiez déjà venu il y a quelques temps, on le retrouvera tout à l'heure parce que j'ai toutes les photos, j'ai tous les dossiers. Donc Janvier 2016, bon, on va retrouver encore plus rapidement. Tu te souviens du numéro d'émission, non? Non. Non. Et déjà c'est bien, janvier 2016, donc ouais, le temps passe vite hein, quand même. Alors entre-temps, bah, vous avez dû faire pas mal de choses et vous êtes là pour nous raconter justement tout ce que vous avez fait depuis janvier 2016. Donc on commence par février 2016. Que s'est-il passé? Non, c'est un piège. Hein. C'est une blague. Je sais très bien. Il y a peut-être des choses importantes que vous avez envie de dire. Oui, bah en fait, quand on est venu la première fois, on venait tout juste de sortir un EP digital qui s'appelait Live Maison de Bégon. Mmh. On avait enregistré trois titres lors d'un concert à la Maison de Bégon à Blois. Et après, peu de temps après, finalement, on a sorti un album compilation qui compilait un peu nos différents EP, mais dans l'ordre de l'histoire qu'on raconte en concert, parce que en concert, on raconte l'histoire de ce couple. Et les titres dans cet ordre-là, comme on faisait en concert, ça faisait quelque chose de cohérent, ça faisait surtout une histoire. Ouais, et donc l'album s'appelle, donc on peut dire que c'est notre premier album, ça s'appelle Une histoire en chanson. Voilà, et c'était sorti en mars 2016. Tout à fait, donc à cette occasion on l'avait écouté, etc. Et depuis, il y a un nouvel album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qu'on diffuse déjà depuis quelques semaines, on diffuse des morceaux. Comment s'appelle-t-il et quand est-il sorti? Alors, il s'appelle Petite Suite Parentale et... L'ai entre les mains, j'aurais pu le dire, mais j'attendais que vous le disiez. Donc là, c'est un album uniquement de titres inédits. Et il a été enregistré en 2018. Mmh. Voilà. On a commencé la pré-production, donc les maquettes, en décembre 2017. Ouais. Je me rappelle le jour de la mort de Johnny. D'accord. Ah bah oui, bon. C'était, ça présageait mal, mais finalement le résultat est bon. Je pense que Johnny était derrière vous aussi. Peut-être. En tout cas, voilà. Donc on a commencé au mois de décembre 2017 et après on est rentré. On a fait quelques sessions de maquettage. Après on est rentré en studio. On a fait une grosse session fin juillet 2018. Puis après plusieurs petites sessions jusqu'en décembre 2018 et on a fini de mixer en mars 2019. Donc voilà, donc ça a pris pas mal de temps. On l'a fait alors pas d'affilée, on a fait pas mal de coupures, on l'a fait en plusieurs étapes. Et voilà, donc c'est la suite en fait de l'histoire qu'on raconte en fait, puisque c'était la suite logique, le couple enfin plutôt un nouveau couple dans notre histoire qui va passer à l'âge encore plus adulte, je dirais, et qui va donc avoir des enfants. Et tout tourne un petit peu autour de ça, mais pas uniquement. Je sais pas si je suis... Comment dirais-je? En fait, l'idée centrale, c'était vraiment ça, c'était sur la parentalité. Mm-hmm. Mais il y a encore des chansons qui parlent du couple, des chansons rigolotes, d'autres un peu plus tristes. Donc voilà, c'est un peu ce mélange-là entre la parentalité, mais aussi la vie de couple qui continue d'exister quelque part. Tout à fait. Donc cet album, il contient combien de morceaux? Il en contient 9, voilà. Donc vous avez bien travaillé, 9 morceaux superbement écrits, interprétés et enregistrés. Vous l'avez enregistré dans quel studio? On peut le dire comme ça. Alors, on l'a enregistré au studio La Commanderie à Boigny-sur-Bionne, chez notre ami Vincent Carlier, qui venait tout juste en début d'année de finir de construire son studio. Donc on est un des premiers projets qu'il a enregistré et voilà, c'est vrai qu'on est très très content du son. On a eu des bons retours aussi par rapport à ça et très content aussi de sa participation sur certains morceaux aussi au clavier pour quelques arrangements, basse, batterie, tout ça. Voilà. Très bien. Donc cet album, il est disponible. On peut le trouver où? À vos concerts déjà, je suppose. Oui, à nos concerts, et puis aussi, il est disponible sur les principales plateformes de téléchargement, de streaming, voilà. Et puis, dans le coin, on peut le trouver aussi à l'espace culturel Leclerc d'Olivet. D'Olivet, oui, tout à fait. Aux Petits Instants, Main-sur-Loire. Oui. Il est en dépôt, et puis, essentiellement. Tout à l'heure aussi, de cet endroit. Voilà. Et au concert du groupe, bien sûr, hein, c'est là que les gens en général viennent nous l'acheter le plus aisément, parce que maintenant le CD ça devient quelque chose de compliqué, les gens écoutent beaucoup en streaming, mais il y a quand même ce côté concert où les gens sont contents de repartir avec un souvenir, avec un objet. Ils emmènent un petit peu du concert, du moment qu'ils ont passé, ils ont envie de le faire durer un peu plus longtemps, donc ils emmènent un petit peu de vous pour pouvoir écouter dans leur autoradio, dans leur chaîne IFI, dans leur ordinateur aussi maintenant, de plus en plus. Et donc ce CD, en plus c'est un beau CD qui s'ouvre en deux, donc c'est un album, on va dire ça comme ça. Et au centre, on voit une photo où vous êtes tous les deux, et c'est une photo, tu me l'as dit tout à l'heure, c'était Morgane Renard qui nous l'a fait. Donc notre ami Morgane, d'ailleurs je vous passe le bonjour parce que je l'ai vu cet après-midi. Donc c'est lui qui m'a dit, c'est moi qui ai fait la photo, et tu me l'as confirmé tout à l'heure Stéphane. Et après on va parler aussi de la très belle pochette aussi qui est faite, où on voit des ballons avec des petits bonhommes dedans. Alors c'est la famille, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la famille. C'est la famille. Voilà, et il y a le chat aussi. Ah oui, il y a le chat, ouais. Donc le petit garçon, la petite fille, le papa, la maman, ce qui est ça. Et tout ça dans une montgolfière, on va dire ça comme ça. Et il y a des petits ballons aussi qui s'envolent de chaque côté. Alors qui c'est qui a réalisé cette... Oui, c'est moi, parce que j'aime bien faire des petits tableaux comme ça, très enfantins. Donc bon, il se trouvait que ça pouvait tomber à propos, donc voilà. C'est super sympa, en tout cas, ça marque bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le Facebook, vous pouvez retrouver cette image-là. Je me suis servi justement du graphisme pour faire l'affiche de l'émission de ce soir, cette émission numéro 422. Voilà. Donc on a parlé de cet album, on va parler un petit peu aussi du groupe. Alors le groupe existe depuis combien de temps? Le groupe existe depuis 10 ans, quasiment jour pour jour. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, ça s'arrose. Voilà, mais avec Ariane on se connaît depuis 20 ans maintenant. Ah ouais, d'accord, donc 10 ans pour que ça se mette en place, et puis depuis 10 ans, donc ça... On a fait des choses ensemble, on a fait des groupes ensemble, et là, ce projet-là, ouais, ça fait 10 ans. Un bail. Oui, oui, c'est vrai que le temps passe vite en même temps. Je pense que vous n'avez pas vu le temps passer, et puis... Donc la composition, l'écriture... Alors comment ça se passe pour composer vos morceaux? Au début, on écrivait chacun de notre côté, paroles et musique. Et puis après, l'autre rajoutait sa patte. Bon. Maintenant, on écrit, chacun de notre côté toujours, des chansons qu'on finit pas. D'accord. Et on les finit ensemble. Ok. Voilà, mais on prend bien soin de pas les finir. C'est-à-dire que... Voilà. Ouais, il faut quand même qu'il y ait un petit peu des deux là-dedans, ouais. Parce que sinon... Exactement. Et surtout, je crois qu'on maintenant on se fait confiance suffisamment pour laisser l'autre, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, corriger... un mot qui va pas, ou une phrase, ou au niveau de l'harmonie aussi, certaines choses, rajouter des mélodies, modifier la mélodie principale, on est ouvert à tout. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Alors, c'est vrai que la musique, du coup, c'est hyper collectif. Les textes, bon, même si on touche de temps en temps un mot ou de l'autre, globalement, quand même, on les fait encore chacun de notre côté. Peut-être qu'un jour, ça viendra, on écrira à quatre mains. Oui. À deux déjà, c'est pas mal. Mais comment ça se passe lorsque vous écrivez, lorsque vous vous retrouvez justement avec vos textes différents, vos musiques et tout ça, est-ce que vous êtes vite d'accord, ou est-ce que des fois il y a des confrontations, des choses comme ça? Non, ça va. Non, ça va. Vous entendez bien. De façon fluide. Oui, oui, d'accord. Ça va. Ok. Oui. Oui, c'est ça. On se connaît bien, donc moi en général, j'ai même pas besoin de finir la chanson quand elle lui plaît pas. Ouais, tu le sens. Oui, oui. T'as pas besoin de le dire. Très bien. Ben voilà, on a parlé un petit peu, on a présenté un petit peu le groupe assez rapidement. Vous êtes déjà venu une première fois, donc en 2016. Le temps passe vite. On va essayer de retrouver tout à l'heure le numéro et tout ça, et peut-être même les photos. Tiens, je dois tout avoir. De toute façon, tout est visible sur le Facebook de l'émission Mavrica. J'invite les gens à aller faire un petit coucou justement. Et puis nous, en même temps qu'on fait l'émission, il y a des gens qui interviennent. Donc si vous voulez mettre un petit coucou, un petit truc comme ça, n'hésitez pas. Le Facebook de l'émission Mavrica officiel, c'est Mavrica. Émission ou Marika Albino, hein, c'est Albino qui apparaît. Ouais. Il a fallu mettre un prénom parce que c'était un truc personnel, mais bon, ça reste quand même la page officielle. Et pendant ce temps-là, nous, on va peut-être écouter un premier morceau de l'album et vous allez vous préparer pour commencer à nous interpréter des morceaux aussi. On fait comme ça. Alors, quel est le morceau que vous avez envie d'écouter? Parce que je voudrais pas non plus passer un morceau que vous avez déjà prévu de jouer. Ah, ouais, du coup, on pourrait passer Tout est parti. Par tout exemple. Est parti. Donc, si je me trompe pas, c'est le troisième, hein, c'est ça. Hein. Troisième, et puis on va l'écouter tout de suite, comme ça vous vous mettez en place, et juste après, on commence à vous écouter en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On fait comme ça ? C'est parti. Donc on écoute tiré de l'album Petite Suite Parentale, Les Ailes au Nord, avec un morceau qui s'appelle Tout est parti. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. On se hait sans se le dire. Rien ne nous réunit plus, même plus nos souvenirs. On se regarde, tout est parti. L'autre qu'on trouvait mieux que tout, plus jamais ne nous séduit. Entre nous deux, que du silence. Un seul mot prononcé et s'installe l'impatience. Y'a plus rien à espérer, rien à sauver, rien à projeter, juste le courage de renoncer. Amertume sont de plus en plus fuyants, nos vieilles querelles s'exhument. Tout ce qui nous a unis s'est consumé. À présent, une évidence, laissons ces cendres s'envoler. Thank you. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel où nous recevons ce soir le groupe que nous venons d'écouter. Il s'agit des Ailes au Nord. Alors, ils ont sorti un album qui s'appelle Petite Suite Parentale. Ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et le morceau qu'on vient d'écouter juste avant, c'était Tout est parti. Et c'est le troisième morceau de cet album. Donc, on va les retrouver, on va... Tout va bien? Ça se passe bien? Oui. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écoute cet album-là, il faut voir le son qu'il y a là-dedans. Il y a quand même... C'est superbement enregistré. Vous avez pris votre temps, ça se voit. C'est le son est super agréable. C'est les voix passent bien, les instruments aussi. Voilà, on peut dire bravo en tout cas à la personne qui a enregistré. On va que tu vas nous rappeler le nom. Bravo Vincent Carlier. Voilà, c'est fait. On le salue. Voilà. J'essaie de remettre les micros parce qu'il y a des micros qui ont été mis sur les guitares, d'autres sur les violons, d'autres sur les voix. Donc ta voix est passée, mais c'était pas le bon micro. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est à moi un petit peu d'adapter. Donc maintenant, vous avez préparé plusieurs morceaux pour interpréter en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission. Alors, il y a combien de morceaux que vous avez prévus? On a prévu 5. 5 ? Je me rappelle plus. Tissot en a fait 5. 5, ah oui. Ouais, 5. Avant les rappels. Hein. D'accord. D'accord. On va commencer tout de suite, je pense, hein, parce que le temps passe très vite. Et je sais qu'Ariane ne peut pas rester jusqu'à la fin de l'émission. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre en priorité justement les lives. Et puis derrière, on continuera à découvrir cet album. Alors, quel est le premier titre que vous avez choisi d'interpréter ce soir? L'infidélité. L'infidélité. Ah ouais, c'est bon, ça c'est une page quand même un petit peu compliquée. Voilà, tous les couples sont pas obligés de passer par ça. Hein, non. Donc je baisse la petite musique de fond et quand vous voulez, c'est à vous. Les émois d'un tout début de relation. Mais cette fois, je suis déjà avec un garçon. Je voulais pas, non, je voulais pas tomber dans la trahison. Mais je n'arrive pas à faire un seul choix, le bon. Et puis faut dire que ça ne me déplaît pas. Ce confort chez moi avec mes chats et mon gars. Et puis lorsque tout cela m'ennuie, un coup de fil et je m'arrache vite d'ici. Ok, y a un côté malsain à partager, comme ça c'est sain. Mais au quotidien, c'est sympa d'avoir l'un l'autre et celui-là. Je mène une vie plurielle, une vie de jeune femme infidèle. Cela en choquera certains, mais essayez et vous verrez que c'est plutôt bien. J'avoue que je ne l'ai pas trop dit à mon mec. J'ai même un deuxième téléphone pour faire croire que je suis impec. Et lorsque mon amant me lassera, j'aviserai pour en prendre un autre à ce moment-là. Ok, y a un côté malsain à partager, comme ça c'est sain. Mais au quotidien, c'est sympa d'avoir l'un l'autre et celui-là. Ah, ça finit brutalement. Bravo en tout cas. Première interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du premier morceau justement de l'album et ça s'appelle L'infidélité. Alors je vais vous poser des petites questions comme ça aussi entre deux morceaux. Alors est-ce que l'histoire que vous racontez, ça vient un petit peu du vécu ou pas? Ouais, pas forcément pour l'infidélité, mais bon. Moi aussi, quand même, souvent. Si, quand même. Donc c'est par rapport à des choses que vous avez peut-être vécues aussi qui vous ont donné envie de réagir ou peut-être des bah, ça part souvent d'une vérité et puis après vérité, on romance, ouais. Quoi. Enfin, on va même encore plus loin souvent, mais bon. Après, ça peut être aussi l'observation des autres couples aussi. Autour de vous. Aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça. En tout cas, super interprétation en direct live. Ça va pour vous au niveau du son là? Oui, je pense au début, bon, c'était, il a fallu réajuster un petit peu, mais là, je pense qu'on est bien. Là, on a le son qu'il faut avec le violon, la guitare et la voix. Donc, le groupe Les Ailes au Nord en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On continue en un deuxième la suite. Je suis enceinte. Ah bon? Ah bon? Ah bon, voilà. Donc, je suis enceinte, donc le morceau numéro 4 voilà, de cet album. Quelques ébats de trop peut-être, contraception pas très nette, et apparaissent sur mon test de bâton. Imaginez mon air con. Le pire c'est que ça ne va pas du tout déplaire à monsieur, car la reproduction pour lui c'est quelque chose de précieux. Moi je ne pense, je vous l'avoue, qu'à ces prochains longs mois où je vais me transformer lentement en je ne sais pas trop quoi. Je suis enceinte. J'observe déjà avec regret mon armoire et ses vêtements, qui dans quelques semaines à coup sûr me boudineront complètement. Monsieur lui s'émerveille chaque jour du futur événement, sûr que c'est pas pour lui les nausées, les kilos et bien sûr l'accouchement. Et commencent les négociations sur le futur prénom et sur la façon d'arranger la chambre de notre futur rejeton. Je suis enceinte. J'avoue que j'en rajoute parfois un peu pour qu'on s'occupe de moi. Je fais des caprices, c'est mon nouveau petit jeu. Et côté pieux, je dois dire que c'est pas inintéressant de tester de nouvelles positions à cause de mon bide imposant. Les mois passés, mon corps s'alourdit ici et là. Tout ça pour un bébé minuscule, c'est pas juste de prendre du poids comme ça. Je suis enceinte. Monsieur me regarde tendrement un peu plus chaque jour. Voit-il en moi la femme qu'il désirait ou juste une mère au secours? Le sacrifice touche à sa fin, bébé va arriver. Je suis assez curieuse de voir à quoi le petit va ressembler. S'entasse alors les paquets de couches et les nouveaux biberons. Mon sac est prêt, trajet maternité. Bienvenue petit garçon. Je suis maman. On est parents. On est parents. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe, il est là en direct, le groupe Les Ailes au Nord, composé de Stéphane et de Ariane, voilà. Donc, deuxième interprétation, vous voulez faire une petite pause ou vous voulez continuer là, vous êtes, On peut continuer, ouais. On continue ouais. On fait un petit concert comme ça, privé, avec Les Ailes au Nord sur Radio Arc-en-Ciel, c'est vraiment formidable. Et puis, voilà, il y a plein de gens qui nous envoient des petits coucou, donc on va faire un petit coucou à Florent, à Tib, voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous envoyer les petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Le troisième morceau que vous allez interpréter s'appelle... Eh bien, on va continuer avec un petit lutin qui est la suite, en fait. Oui, le petit lutin, donc, c'est la naissance du petit garçon, donc, et c'est lui le petit lutin. Voilà. C'est parti. Quotidien, on est passé par tant de chemins, ces échecs surmontés plus ou moins bien, mais des fondations qui se dressent au loin, reste serein, s'imaginer, penser au pied, on est rodé. On a perdu notre jeunesse en question. Tout ne sera pas réglé en trois saisons. Restez enfant jusqu'à 30 ans. C'était un luxe, un tour de l'offrir maintenant. Dans un petit lutin dans ta maison. Un petit malin qui nous attend. De moins en moins, tranquillement. Que Dame Nature s'en occupe bien. On lui prépare de l'amour au quotidien. Rester enfant jusqu'à 30 ans, c'était un luxe, à mon tour de l'offrir maintenant. Dans un petit lutin dans ta maison. Rester enfant jusqu'à 30 ans, c'était un luxe, à mon tour de l'offrir maintenant. Rester enfant jusqu'à 30 ans, c'était un luxe, à mon tour de l'offrir maintenant. Dans un petit lutin dans ta maison. Bravo, un petit lutin dans la maison, donc c'est la suite, donc je suis enceinte, un petit lutin dans la maison, donc un enfant qui arrive dans une maison, bah ça chamboule tout, hein, donc c'est un petit peu l'histoire. Alors quand vous racontez vos histoires, c'est l'histoire de couples, c'est l'histoire qui des fois sont inspirées de couples que vous avez vus, ou de vous-même, hein, voilà, vous avez aussi votre vie, et puis je pense que les gens qui vous écoutent, et bah, se reconnaissent énormément aussi. Moi, je sais que, bon, moi, personnellement, ce que vous racontez, c'est des choses que l'on a vécues aussi. Donc, forcément, et beaucoup de gens, comme ça, se reconnaissent dans vos histoires. Et, bon, des fois, oui, des fois, non. L'infidélité, c'est, j'espère que tout le monde ne passe pas par là. Mais bon, bah, les enfants qui arrivent dans la maison, ça change tout. Tout d'un coup, on se retrouve papa, on se retrouve maman. Et puis, la vie change un petit peu. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien perçu par les gens, je pense. Ils se reconnaissent tous dans les textes que vous racontez, quoi. Bah, disons que sur le spectacle entier, il y a forcément au moins une chanson qui fait écho pour chacun. Ouais. Voilà. Je pense même que la grande majorité font quand même écho. Après, il y en a certaines qu'on met un petit peu de côté, mais la grande majorité, quoi, plus de 50% quand même, les gens se reconnaissent. Oui, sans doute. Ouais. Ouais. Voilà. Je crois qu'une fois, il y a même une psy qui nous a dit j'achète votre album et je vais le garder pour les thérapies conjugales. C'est vrai que ça peut aider aussi. Hein. Elle avait pris une dizaine d'albums, oui. Voilà. Très bien. Voilà, je sais qu'Ariane ne peut pas rester très très longtemps, donc on continue avec la musique. Bah oui. On y va, hein. Allons-y. Après, on parlera des projets. Il y a encore plein de choses à découvrir sur les ailes au nord, mais priorité au direct, priorité à la musique sur Radio Arc-en-Ciel avec les ailes au nord. Tes mots et tes sons. Mm-hmm. Alors, on va tenter quelque chose. Normalement, en live, on a une bande-son en fait qui accompagne cette chanson-là. D'accord. Et là, on va faire une version complètement acoustique. Là, on est en mode restreint dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc on ne triche pas. Et vous, voilà. Vous prenez le risque, sans filer, comme ça. Comme ça. Allons-y, c'est parti. Grand fou, ouais. Hop, vous voyez, je fais des bêtises. Si je ne mets pas le capodastre, à un moment donné, ça va coincer. On la refait. Satisfaction en un tiers de siècle, aussi quelques déceptions. Et il nous reste des petits lutins à s'occuper, des histoires à partager. Laissez quelque chose pour vous. Parfois on est fiers de nous. On vous donne pour cette raison des mots et des sons. Et si l'amour s'oublie dans le quotidien, notre relation change, c'est certain. Nos lutins nous éloignent. Chaque jour d'amour se gagne. Laissez quelque chose pour vous. Parfois on est fiers de nous. On vous donne pour cette raison des mots et des sons. Des mots et des sons. Des mots et des sons. Des mots et des sons. Des mots et des sons. Bravo. Des mots et des sons, c'est le dernier morceau de l'album. Des mots et des pains. Ah. Il a eu un. Ah bon, moi j'ai rien vu, hein. Personnellement, t'as vu quelque chose Didier, toi? Non, non, bon, bah, écoute, je pense que vous êtes les seuls, vous êtes des perfectionnistes, on va dire ça comme ça. Donc vous avez sûrement vu quelque chose, c'est vous qui l'avez composé, c'est vous. Mais nous, on n'a rien vu du tout. En tout cas, ça s'est super, super bien passé. Et il faut le savoir aussi que vous n'êtes pas dans des conditions optimales, hein. Vous êtes dans un petit studio tout petit, comme ça. Et il n'y a pas le public pour vous booster, mais il y a des gens qui nous écoutent. Et en tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez ici présents. Tiens, il y a notre ami Tib qui vous passe le bonjour. Il dit bonjour à l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. De l'émission Mavrica. Bonjour. Et aussi bonjour à vos invités. Voilà. Très bien. Donc, c'est super. Moi, j'ai trouvé que c'était superbement interprété. On en est à combien déjà de morceaux? Parce que le temps passe très vite. 4. Ah oui, il en reste plus qu'un alors. Il en reste plus qu'un. Au moins. Au moins. D'accord. Ok. Donc après, je pense qu'il y aura un rappel. On va faire ça comme ça. Alors, quel morceau avez-vous choisi pour suivre donc des mots et des sons? Et bien, pour le coup, un morceau de notre ancien album. D'accord, ouais. Qui s'appelle I Met a Boy. Ah ouais. La rencontre, quoi, donc. Alors, j'explique pour. Parce que c'est pas très radiophonique, mais j'ai de la buée sur mes lunettes. Ah ouais, d'accord. Et c'est ridicule, évidemment. C'est avec l'humidité qu'il y a dans l'air, parce que c'est vrai qu'il pleut énormément depuis que c'est quelques mois. Non, je pense que c'est dans le studio, il fait chaud, et avec la transpiration et tout ça, c'est normal. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas très radiophonique, on n'était pas obligé de le dire, mais on le dit parce qu'on en est comme ça. Voilà, quand vous voulez. Boy, un peu destroy qui un tas de femmes affolent, tantôt poète, tantôt salaud, il sait convaincre en quelques mots. Et moi, je n'y peux rien, je tombe à tous les coups dans les bras d'un type comme ça. Et je vous parie que le prochain, il aura avec lui plein de points communs. I met a boy, un peu loser, qui ne travaille qu'à ses heures, tantôt gentil, tantôt crétin, concrètement il ne sert à rien. Et moi, je n'y peux rien, je tombe à tous les coups dans les bras d'un type comme ça. Et je vous assure que le prochain, il aura avec lui plein de points communs. I met a boy, un peu sextoy, qui aime les parties de guibol, tantôt tout nu, souvent en rut, je vois pas souvent avec son fut. Et moi, je n'y peux rien, je tombe à tous les coups dans les draps d'un type comme ça. Puis ça me lasse, et le prochain, il aura avec lui plein de points communs. Ta ta la la, ta ta la la, ta ta la ta la la la la, ta la la la, ta la la la, ta la la ta la la la la. Bravo. Bah, c'est des bons souvenirs parce que vous étiez venu donc en 2016, c'était le 15 janvier et c'était l'émission numéro, je vais le retrouver tout de suite, 262. Sachant qu'aujourd'hui on est le 422. 264. Sachant qu'aujourd'hui on est à 422. Donc j'ai repartagé l'album parce que donc ça nous fait des petits souvenirs de votre précédent passage et à cette époque-là, Les photos qui sont là, c'était... Ah ben non, c'était encore moi qui les prenais. Hein. Et il y en a certaines aussi qui avaient été prises pendant dans le studio. C'était avec Morgane à l'époque. Oui, hein, voilà. Oui. Et là, ce soir, il y a Didier qui s'en donne plein cœur joie avec son appareil photo. On entend le petit déclenchement. Donc, il y aura encore des photos dans le sur le Facebook de l'émission Mavrika. Peut-être. Peut-être. Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend. Ah, ça dépend. Ouais, pour l'instant, tu les prends, mais voilà. Tu viens de t'apercevoir que tu n'as pas mis ta carte dedans, quoi. Quand même. Quand même. Tu as mis une pellicule ? Oui. Ah oui. Donc, c'est argentique, moi, monsieur. Argentique. Ouais, voilà, l'ancienne, avec des vraiment les gros trucs, là. Ouais. C'est pas du 24-36, c'est du combien de 60 mm ? C'est ça. C'est ça. Je suis fait en sépia, tu sais, avec les... Ok, d'accord. Donc il a une boîte en bois avec un objectif, et puis il se met sous un espèce de drap noir là. Donc voilà, une chambre obscure comme on dit. Voilà. Très bien. Donc c'était le premier morceau de cet album qui s'appelait Une histoire en chanson et que vous nous aviez fait découvrir justement lors de votre dernier passage. Alors j'ai retrouvé l'album, il est là. On écoutera tout à l'heure le petit morceau aussi. Et puis maintenant vous allez interpréter le deuxième morceau qui n'était pas prévu, non ? Ouais. Ouais. La dispute, par exemple. Ouais, si tu veux. Ouais, on va. Ouais, si tu veux. Bah quoi ? Ça arrive. Je vais m'éloigner un petit peu parce que... Tes coins qui traînent, des cigarettes, tes mots qui peinent, des vieilles baskets, toutes tes dépenses, ta radinerie, je te dis ce que je pense, bah moi aussi, tous tes régimes, ton gros bidon, au lieu d'un peu de gym, bidochon, tes amis pestes, tes copains cons, tu me tiens en laisse, tu me donnes des fesses. Allez. L'appart est sale, dedans y'a pas de moi. Et ce mec qui te drague, ton ex qui revient, tes textes vagues, oui comme les tiens, tes sautes d'humeur, tes sorties tardives, ne pas chez ta sœur, jalousie maladive, les poils de chat, ton manque d'engagement, oui tes petits coups bas, mais ouais je suis Satan. Vacances merdiques, choisis par tes soins, tes regards cyniques, tes regards assassins, ton petit caprice, ton manque de logique, et tes peurs d'actrice, j'aime pas quand tu me fliques, tes réflexions, tes faux beaux conseils, tes réactions, tes bières en bouteille, parlons du lit, ah oui mon chéri, y'a plus rien qui est permis, pas moi qui te contredis. Allez. Bravo. Merci. Voilà, le deuxième morceau donc de cet album qui s'appelle Une histoire en chanson et c'était La dispute, c'est ça. Voilà, bah très bien. Ce qu'on va faire, on va comme vous avez beaucoup travaillé, maintenant on va vous laisser un petit peu vous reposer, on va passer un petit peu de musique. Pendant ce temps-là, on va faire les photos aussi et après on se retrouve avec Stéphane pour continuer à parler des projets et pour qu'on sache tout sur les ailes au nord. En tout cas, merci beaucoup Ariane d'être passée aujourd'hui. Bah, je sais que tu pouvais à toi pas rester. Merci pour ton accueil et puis merci. Voilà, et puis en tout cas, je sais que tu dois t'absenter, mais en attendant, nous, on va continuer hein, cette émission jusqu'à 23h. Restez avec nous, on va aussi avoir l'agenda de Mavrika avec notre ami Didier qui va nous présenter tous les événements qui se passent dans la région avec les artistes qu'on a reçus dans l'émission Mavrika ou qu'on recevra, parce que la plupart des gens viennent chez nous, hein, c'est comme ça, c'est inévitable. Et donc, nous, on vous laisse avec un petit peu de musique et on va commencer justement par un morceau de cet album qui s'appelle Une histoire en chanson, et j'ai choisi un morceau qui s'appelle Renaissance, donc c'est le deuxième morceau, c'est un petit peu dans le désordre, mais et après on vous laisse avec d'autres artistes, et nous pendant cela on fait les photos en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc c'est parti, Renaissance, les ailes au nord. Chemin pour parvenir à lui, Un labyrinthe de sentiments qui s'achève donc ici. Plus de torture, de la douceur et enfin du repos. Une sérénité méritée après tant de chaos. Une main posée, un regard franc et beaucoup de chaleur. Avec lui j'ai cette impression qu'on ne m'arrache pas le cœur. Je sens que le bonheur est là, complice à ma portée. Il suffisait donc que j'accepte un peu de simplicité. Années j'étais tant dans le faux, qu'aimer sans blessure et sans heurts, cela peut être beau. Une vraie addiction au malheur qui maintenant s'évanouit. Je vais laisser les cris, les pleurs à cette ancienne vie, puis me laisser bercer par cette sensation inconnue. Faite de confiance, de naturel, une sorte de mise à nu. Réconfortée d'une certitude que peu de monde connaît. C'est là où je dois vraiment être et que ça ne va pas changer. with you, you know. I try to do my best, I try to do, and I try to be what you wanna be, you know, baby, but I'm currently mad. Yeah. Yeah. Babylone. Complexité, tant de stress et de stress, de paillettes, je suis ébouriffé. Je suis comme Ponce Pilate, mais je n'y comprends rien. Et mon rêve est parti en fumée, un petit tour, et s'en vient, et s'en vient, et s'en vient. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone, je ne verrai plus personne. Dans les rues de Babylone, le temps passé passe encore. Babylone, tu es mon psychopathe. Et même si ton silence est d'or, tu m'abandonnes dans les rues de Babylone. Je ne verrai plus personne dans les rues de. Dans les rues de. Dans les rues de Babylone. Thank you. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, tous les vendredis à partir de 20h30 jusqu'à 21h. Nous recevons donc des artistes en direct live. Ce soir, c'est l'émission numéro 422 et nos invités sont les Ailes au Nord. Voilà, on va dire ça comme ça. Le groupe, le duo, les Ailes au Nord avec Stéphane et Ariane. Voilà, on vient de faire les photos. On vous a laissé en compagnie de bonne musique. On a écouté par exemple les Inuits à l'instant. On a écouté les Trigone Plus. On a écouté notre ami Tonio. On a écouté les Custom, Zbla, La Jari. Voilà, plein de bons groupes. Et là, on revient dans le studio Radio Arc-en-Ciel pour l'agenda de Mavrika, puisque notre ami Didier a prévu de nous présenter toutes les dates de concert entre ce soir et la semaine prochaine. Donc, alors Didier, j'ai pas la prétention de présenter toutes les dates, hein, parce que toutes les dates qu'on connaît, certainement on oublie. Hein. on peut en oublier, toutes celles que j'ai trouvées du moins. C'est pour ça, on invite aussi les gens qui organisent des événements et les groupes qui se produisent à nous envoyer les invitations. Comme ça, nous on les a et on est sûr de pas les oublier. Alors que sinon, on est obligé de les chercher et puis il suffit qu'on zappe un petit peu et puis. Donc le but, c'est vraiment de parler de tous les artistes de la région. Alors que se passe-t-il, par exemple, ce soir? Déjà, ce soir, il y avait pas mal de choses. Je vais commencer, tu sais, j'avais oublié la semaine dernière, ah, le préambule. Le préambule, ouais, préambule, ouais. Préambulons alors. Voilà, préambulons juste deux, trois minutes. Juste pour parler d'une exposition qui s'appelle All You Need is Street Arts. C'est au profit des mains tendues. Ça se passe à l'Empreinte Galerie à Orléans. C'est du 18 au 22 septembre. Donc, il reste encore un peu de temps pour aller la voir. Donc ils sont mobilisés pour la cause des sans-abri. Donc 50% des ventes de cette exposition seront reversées donc à l'association pardon, Les Mains Tendues. Donc comme son nom l'indique, c'est du street art. S'il y a des artistes qui s'appellent Mifa Mossa, Sylvain Daed alias Kufi, Brix Urban Face, Fabrice Pluvinage alias Frix The Fab, Noda, Jaffé, Rirefish, Mougli, Panhonneur Pan et Godefroy. Donc ça, c'est des graffeurs. C'est des graffeurs. Donc le street art est à l'honneur sur Orléans. Voilà. Et donc c'est en plus pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Et puis en performance, il y aura les tatous de Sulaco Tatou qui montreront toute l'étendue de leur talent sur la base d'un dessin signé par Panhonneur Pan. C'est dur à dire, Panhonneur Pan. Oui. Voilà. Il y aura des fleuristes de murs et de toiles et une performance théâtrale avec Achille Jourdain pour les lettres de sans-abri. D'accord, très bien. Voilà. Donc ça se passe, donc, je l'ai dit, à l'Empreinte Galerie, c'est rue d'Alibert, 45 000 Orléans. Mm-hmm. Voilà. Et puis sinon, il y a toujours les fêtes de Loire. Hein. Ça a commencé mercredi. Ça a commencé mercredi. Hein. Le 18. Voilà, et puis ça va se terminer donc, le 22. Donc le programme complet, on va le retrouver sur orléans-métropole.fr. Il y a 48 pages, donc vous pouvez vous amuser à l'imprimer. Il y a plein de choses. Hein. J'ai regardé, c'est vraiment... Déjà, qui sont déjà passés, Birmingham. Oui, Birmingham. Ouais. Ce soir, il y avait un tribut de Bowie qui jouait. Donc, voilà. Il y a les Soul Dealers hier soir. Ouais, les Soul Dealers, ouais, qu'on a eu l'occasion d'interviewer justement à Balade en Musique cet été. Hein, donc on avait fait la connaissance vraiment, parce qu'on les connaissait déjà depuis pas mal de temps. Et là, on les avait devant nous, on a pu discuter avec eux. Voilà. Donc puis, les Soul Dealers. Voilà, et puis dimanche, ça va se terminer en apothéose avec le concert de Ronan Luce. Voilà. Ouais. Très bien, donc il y a plein de choses, plein d'animations. Là, on parle de la musique parce que c'est ce qui nous touche, mais aller faire un tour, c'est toujours une bonne occasion de prendre l'air, faire une bonne balade. Il y a plein d'animations, il y a plein de gens. il va faire beau jusqu'à dimanche. Ouais, jusqu'à dimanche. Et après, il pleut. Il pleut dimanche. Enfin bon, voilà. ça fait un moment qu'ils disent qu'il va pleuvoir, mais bon, ça fait trop moins qu'on attend quand même. Bon, enfin bon, on désespère pas. Voilà. Et puis sinon, au programme ce soir, on avait Volo qui jouait à la Maison de la Musique et de la Danse à Saint-Jean-de-Larvel, oui. Donc à 20h30. Oui, oui. Il y avait Anita Farmine qui était au Novotel. Au Novotel à Olivet, hein, donc voilà. C'est Olivet là-bas. Non, c'est Olivet. Ouais, ouais, oui, c'est Olivet. C'est encore Olivet. C'est au rond-point de Saint-Cyr-en-Val et d'Olivet. Enfin, oui, oui. Voilà. Patient Z était au Croque-Bedaine Orléans, donc ça c'est un rue de Bourgogne. Mmh. Ah, donc c'est l'ancien Saint-Patrick pour ceux qui veulent savoir où c'est. Mmh. Sam Soul, ils étaient à Chessy au VNB. Phil Twangy et Tom Trio étaient au Troquet Royal. Long Tom. Voilà. Ouais, Tom Trio. Et puis la Payotte était de la partie également aussi à 19h avec de la percussion mélodique avec Michel Feldstein. Voilà. Mmh, très bien. Et puis l'édition d'un spectacle dans ta boîte aux lettres débute aujourd'hui pour sa 3e édition. Donc, je vais rappeler le concept, c'est des concerts gratuits qui sont tous les vendredis soirs à partir de 18h30, pardon, et ça va durer jusqu'au 25 octobre, donc c'est en bas des immeubles de la Source et de l'avenue de Master. Alors j'ai un petit papier sur lequel j'ai tout le programme qui va se passer on va en parler un petit peu. D'accord. Ouais. Hein, donc le 29, donc aujourd'hui, hein, si je me trompe pas, hein, c'était la Grande Ursula, ça c'est du rap festif. Le 27-9... La Grande Ursula, c'est... Le rap festif. Ah, tu c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'affiche. Ah, donc, je te dirais qu'il y a une erreur, parce que la Grande Ursula, effectivement, je les ai déjà vus, et c'était pas du rap, hein, c'était de la musique, comment dire... La musique festive, ouais, genre, avec beaucoup d'artistes, il doit y avoir des cuivres, des cordéons et tout ça. Je suis en train de dire le reste, ça va pas être... Ah ouais, donc, voilà. Non, je pense qu'il y a dû avoir une erreur, parce que je vois pas tellement du rap là-dedans, mais bon, après... La semaine prochaine, donc le 27, ce sera Lionel Thomas, ça c'est un troubadour moderne, mmh. On expliquera ce que c'est. Le 4 octobre, ce sera Madlis, ils appellent ça de la pop engagée. D'accord, donc voilà. Madlis, oui. Qui... Voilà. le 11-10, les tourneurs Fraser pour de la chanson française. Oui, le 18-10, clin d'œil, ça c'est de reprise de chansons festives. Et le 25-10, on terminera avec Anita Farine pour la musique du monde. D'accord, voilà. Très bien. Bon. Donc un spectacle dans ta boîte aux lettres, à la Source, au pied des immeubles. D'accord, bah, très bien. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais... J'en avais parlé l'année dernière. Oui, mais oui, c'est vrai que je m'en souviens plus. En fait, c'est tout nouveau, hein, tu vois, c'est la 3e édition. Donc, c'est bien d'en parler, comme ça, il y aura plus de gens qui seront au courant et qui pourront assister donc, à cet événement. Demain, samedi 21. Ouais. Hein. Voilà. Arcadia et les vilaines choses donc seront au Festif Vuisselloise. C'est à Huisseau-sur-Cosson. Alors ça, c'est dans le Loir-et-Cher. Il va falloir prendre sa petite voiture et puis se déplacer un petit peu. Ouais, en même temps, c'est pas très loin non plus. Hein. Non. Et c'est à partir de 19h et pour les concerts. Sinon, il y a des animations à partir de 15h. Le programme complet, ben, on peut le retrouver sur Festif Vuisselloise. Comme ça se prononce. D'accord. Ok. Voilà. Le premier support bloc 45 aura lieu à Donnery. Donc ça, c'est quatre concerts qui auront lieu donc demain. Il y aura Gun Rocking, les Chili Dogs, Popcorn et Phil Tanguy. Pour un PAF de 10 euros, ça va se passer à Donnery sur le, au motocross et c'est à partir de 18h. Ok. Demain. À Donnery. Voilà. Les Blues Company seront en concert privé, mais quand même sur réservation. Donc on peut quand même y aller. Il suffit d'appeler. Et puis, donc je vais vous laisser le numéro. C'est le 06 09 84 17 12. Et pour l'inauguration du Barou de Lande, c'est une discothèque à Courtenay. Il y a un PAF de 5 euros et c'est à partir de 19h. D'accord, donc les Blues Company. Les Blues Company, Jack. Notre ami Jack. Voilà. Oldies Cosmopolite, ce sera à la Payotte. Donc ça c'est Ariane Van Berendt et son piano à bretelles à partir de 19h30. D'accord. Et puis on aura un cover à Saint-Privé-Saint-Mémin. Je ne sais pas si tu as vu l'affiche passer quelque part. C'est Cover Tramp. Cover Tramp, donc voilà, donc un tribute à Super Tramp. À Super Tramp, voilà. Je m'en doutais un petit peu. À la salle des fêtes de la Saint-Privé-Saint-Mémin, c'est à 20h30. Alors c'est 15 euros sur réservation, mais il faut se dépêcher parce que c'est quand même demain, donc il faut réserver vite. Mm-hmm. Et puis sinon, c'est 20 euros sur place. D'accord, donc il vaut mieux réserver quand même. Voilà. Dimanche. Dimanche, on arrive donc au 22, c'est ça hein. Dimanche 22. Donc Arnaud Nano Métivier donnera le concert interdit à la Payotte. Donc pour l'histoire, c'était le dimanche 25 septembre 2015 que la mairie d'Orléans interdisait le concert de Nano au Festival de Loire. Ah ouais, ok. Ça avait fait une petite polémique à l'époque dans les journaux. Donc 4 ans plus tard, le concert il va le rejouer donc à la Payotte pour clore la saison estivale 2019. Ok, voilà. Donc il était interdit, mais cette fois-ci... C'est lui qui se donne l'autorisation. Il se donne l'autorisation. C'est sa guinguette, il fait ce qu'il veut. Hein. Ok. Voilà, et donc c'est à 17h. Sinon, on a Chanson au grand loin de Fayolage avec Guy Couralet. C'est des chants pour les enfants, ça c'est à partir de 16h30. Et puis après, on aura le concert des Petits Crèmes, donc à partir de 18h. Donc le Petit Crème, c'est Jazz Manouche, hein, je crois, c'est un truc dans le genre. Idéalement, il est situé à Fayolage, le Grand Loing, entre la Loire et le canal d'Orléans. C'est à la fois une chambre d'hôte et puis un lieu culturel. Il y a des expositions, des concerts, des spectacles, avec des animations en général thématiques qui sont régulièrement organisées dans une grange qui est bien rénovée, on va dire. Voilà, c'est dédié à cet effet. C'est le Grand Loing, c'est 36 rue des Maillets, 45 450 à Fayolage. Ok. Voilà. On va directement mercredi prochain avec The Devils qui sera au Blue Devils. Voilà. Devils. Voilà, c'est un duo italien de garage stoner. Ouais, donc j'ai écouté, ça remue un peu les oreilles. Comme son nom l'indique. Ça remplace bien les cotons-tiges. Il n'y a pas de problème. Donc c'est 6 euros et c'est organisé par Johnstone Traffic. Ah ouais, d'accord. Donc c'est notre. C'est Jean-Luc. Notre ami Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc Jousse. Jousse. Voilà, tu cherchais son nom. Oui. Voilà. il me revenait rapidement, mais bon, Jean-Luc Jousse. Vous qui étiez passé dans nos studios et qui nous avait interprété une version de Gabi. Oui, je me souviens très bien. D'ailleurs, qu'on l'avait rediffusé et j'ai eu l'occasion. Tu sais ce que j'ai fait moi pendant l'été, étant donné que j'ai fait pas mal de routes, j'ai mis tous les artistes, donc les versions qui ont été enregistrées ici. Et je suis retombé dessus effectivement, donc Gabi de Bachung interprété par Jean-Luc Jousse. Oui, c'est pas l'inverse. Non, c'est bien ça. Ah bon, c'est, d'accord. Jeudi 26 septembre, Van Dirty Roses toujours au Blue Device. Donc ça, c'est du rock sudiste. Ça part ouais, de 21h. Apparemment, ça, on voit bien ça. Hein. Ah, j'irai peut-être faire un tour. Ils sont déjà passés, non? Oui, c'est la deuxième fois qu'ils passent. Oui, parce que j'ai déjà vu les photos de Dom Rousseau qui l'avait fait lors de leur dernier passage. Ouais. Alors, j'ai pas le prix de l'entrée. Mm-hmm. Mais je crois que ça va tourner dans les 10 euros, je crois. Mais, ouais, bon, ça. J'en sais rien, c'était pas précisé. Et puis vendredi prochain, donc Frida Kahlo sera à la MJC de Romorantin, donc la Pyramide, pour un apéro-concert à 20h. Maëlle Zell sera au Club 15 à partir de 21h. Mm-hmm. Et Franck Salé Quartet sera en live à la demeure, donc au Novotel, à 19h30 jusqu'à 21h30. Très bien, donc ça c'est vendredi prochain. Voilà. Et puis, puisqu'on entend parler de vendredi prochain, on va aussi un peu parler du week-end prochain, juste comme ça. Swing aux pâtures, ça va se passer à Chessy. Donc, sur les bords de Loire, c'est un festival de musique et des arts de la rue. C'est la première édition. Il y aura quelques groupes qu'on connaît, puis d'autres groupes qu'on connaît pas. Mais beaucoup de fanfares. D'accord. Voilà. Il y aura Radio Kaiseman, donc ça c'est du groove explosif, un mélange de jazz et de hip-hop. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de voir. Ouais. Il Valait, ouais, qu'on a reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et que j'ai vu en concert déjà à plusieurs reprises. Hein. Voilà. Swing Explosion, ça c'est du rockabilly avec Rockin' Malek, David Costa Coelho. J'ai vu aussi les trois membres. Donc. Voilà, plus des danseurs de la FIVA en même temps, donc ça pourrait être un beau spectacle. D'accord. The Trompettes, donc ça c'est de la fanfare. Nola Radio, c'est un duo clownesque qui retrace en musique les origines du blues. Blue Fire, c'est un groupe de percussion. Les Sapayous, ça c'est de la fanfare à vélo. Alors, originalité, c'est un vélo à 8 places. J'ai déjà eu l'occasion de voir aussi des photos ou des vidéos. J'ai déjà vu ça. Ouais, voilà. Miss Gravenko, qu'on présente plus. Oui, qu'on connaît bien aussi, qui est venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il n'y a pas très très longtemps. Voilà, sans rien dire. Sans rien dire. Et puis, un petit peu de jazz avec Monty Sachs. Et puis, il y aura un jukebox humain. Voilà. Anatole et Marie Gertrude, de la compagnie des Copinches. C'est un concert à la carte avec les plus grands succès des autres. D'accord. On leur demande des choses et ils les interprètent. Voilà, c'est à la carte. Et puis, la compagnie des Fous de Bassan nous proposera une petite promenade poétique et musicale. Donc, c'est la première édition. Donc, le festival s'appelle Swing aux Pâtures. C'est à Chessy. Moi, je dis, il faut y aller. Voilà. C'est vrai que ça donne envie. Il y a plein de choses différentes. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà. Oui. Donc l'agenda de Mavrika est terminé pour officiellement terminé pour cette semaine. Voilà. On va parler aussi d'une autre semaine qui va avoir lieu. Hein. Donc ça sera le 9 novembre. Oh oui, ça. Le 9 novembre, je crois que oui, c'est pas tout de suite, mais non. On va en parler dès maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est l'association Mavrika qui l'organise. Donc c'est nous qui organisons à l'espace Pierre, comme d'habitude, dans la grande salle. Donc une salle de 500 personnes qu'on espère bien un jour remplir. Voilà. Et il y aura pas un, pas deux, pas trois, mais quatre artistes différents. Et un artiste gratuit cette année. Ouais, un artiste qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Et finalement, on va. Là, je peux le dire. Hein. Voilà, j'ai eu l'information parce qu'on avait un petit doute. Les chèques IMETS seront bien là. Donc, ils m'ont confirmé très dernièrement parce qu'ils nous avaient dit voilà. Et puis là, on est sûr. Donc, les chèques IMETS seront là. Donc, un groupe de Paris qui interprète plein de reprises de tous les standards. Hein. Ça peut aller des années 50, 60, 70, etc. Donc, vraiment, des mecs au top. Ils sont déjà venus une fois sur Orléans. Ils avaient joué dans un petit bar. C'était aux copains d'abord. Et ils avaient envie de jouer dans une grande salle. Et là, c'est vraiment l'occasion d'aller les voir parce que franchement, c'est des très bons musiciens. Il y aura aussi, donc, choisi par les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et les gens qui nous suivent sur Facebook. Donc, il y aura Full Tank. Ouais. Et il y aura aussi, qui est un groupe orléanais, il y aura aussi un autre groupe qui nous vient de Paris, qui s'appelle Le Soupul, que vous avez sélectionné donc pour venir interpréter des morceaux devant vous à l'espace Bérère. Et voilà, on avait nos trois groupes, on était contents, et finalement il y a un monsieur qui est pas en France habituellement, il vient de la Nouvelle-Orléans, qui est déjà passé dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'était en fin d'année dernière. On avait passé un super moment avec lui. C'était le 28 décembre, je crois. Ouais, c'était la dernière émission, je me souviens. Et c'était un moment magique, hein, parce que c'était un petit peu notre cadeau de Noël. Donc, c'était Joshua Cook, qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il nous racontait ses histoires avec son accent anglais. Parce qu'il parle très bien français. C'est son petit accent, quand même, américain. Et il enchaînait des blues. Voilà, c'est un virtuose de la guitare. Donc, il nous a fait l'honneur de vouloir participer à ce Mavrika Live. Et il nous a dit, je suis dans le coin. Si vous voulez me recevoir, je viens. Et nous, on s'est dit, on est d'accord. On est d'accord. Donc, à l'unanimité, on a dit OK. Et donc, il nous fera le plaisir d'être présent ce jour-là. Il y aura aussi des exposants. Est-ce que tu te souviens des exposants? Parce que moi, j'ai. Il y aura Michel Fuset, le photographe. Il y aura Michel Fuset. Après les autres exposants, moi, j'ai pas eu la liste. Donc, officiellement, on est en train d'organiser ça. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on aura la présence pour la première fois également pour un Mavrika Live d'un tatoueur. Ouais. Donc les gens qui veulent se faire tatouer à Mavrika sur le front peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Il y aura possibilité de faire des flashs. Non mais je dis le front, ça peut être ailleurs. Hein, voilà. Après chacun se fait tatouer où il le semble, où bon lui semble. Ouais. Mais il y aura possibilité de faire des flashs. Alors je sais pas encore il m'a pas donné les tarifs. Hein, mais bon, alors les flashs c'est quoi pas très cher. C'est des tatouages très rapides. Très rapide. Très rapide. D'accord. C'est des, il a déjà des, normalement, il y a déjà des dessins qui sont déjà faits, et puis tu choisis dans les dessins qu'il a, et il te fait. Ah oui, donc il a vraiment l'habitude de les faire très vite. Oui. Et par contre, c'est des vrais tatouages qui restent. Ah bah, c'est un tatouage qui ne s'enlève pas, oui. Oui, c'est oui. Pas parce qu'il est rapide qu'il s'enlève. Non, bah, ça pouvait être aussi des trucs comme dans les chewing-gums, là. Ah non, ça, c'est un tatou, ça presque. Non, c'est un vrai tatouage. Les stickers, voilà. Voilà, et bon, on va peut-être le nommer, hein, c'est Skin Tattoo. Voilà, et. Il sera là. Il sera là, voilà. Donc, et lui, il est à Neuville-aux-Bois. Ok. C'est quelqu'un de Neuville-aux-Bois. Très bien. Donc, on en reparlera de cet événement, puisque forcément, Radio Arc-en-Ciel et l'association Mavrica organisent régulièrement des Mavrica Live. Ça sera la version numéro 11. Voilà, la 11e. Et ça sera le 9 novembre à partir de 19h à l'espace Bérère, à la Chapelle Saint-Émain. Voilà. Ouais. Je pense que c'est bon. Pour oui, l'agenda de Mavrica présenté par monsieur Didier Thibault. Ah bah pour l'agenda c'est bon, oui. Oui, ça c'était un petit plus, hein. Voilà, c'était, ouais, c'était la cerise sur le, sur le pompon. À la semaine prochaine, donc pour l'agenda de la semaine prochaine. Ouais, bah tu restes avec nous de toute façon parce que. Ah bah oui, je reste avec vous. Voilà. Puisque Ariane est partie tout à l'heure parce que elle était vraiment pressée, elle nous l'avait dit en début d'émission. Donc on a déjà écouté tous les lives qui ont été interprétés en direct. Et Stéphane nous fait l'honneur de rester jusqu'à la fin de l'émission. Et puis maintenant on va parler un petit peu des ailes au nord. On va parler un peu plus peut-être. Ouais. Ouais. Alors on va moins chanter hein, déjà parce que. Quels sont les. Ouais. Moins chanter. Bah je suis sûr que Stéphane sera capable d'interpréter un morceau aussi hein, tout seul. Moi hein. Je chante pas. Non. On verra peut-être tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure. Donc je voulais parler justement des projets. Quels sont les projets? Alors là pour l'instant on sait qu'il y a cet album qu'on peut se procurer lors de vos concerts. Ouais. Y a-t-il des concerts justement prévus? Oui, alors on sera pour les Nocturnes du Parc Floral. Mm-hmm. On jouera le 12 octobre à 18h. Donc c'est normalement en plein air. Donc on prend son entrée du parc normal. Ça sera avant le changement d'heure. Normalement oui. Donc il devrait faire encore jour. Le ouais, dernier ça... changement d'heure alors. Ouais. Ouais bah ça serait... On verra si c'est le dernier. À mon avis, il fera quand même un peu sombre, donc ça devrait être une ambiance sympa, intimiste et tout. Et donc l'idée c'est de faire voilà dans un cadre un peu bucolique. Voilà, je pense que ça va être vraiment vraiment sympa. Voilà, donc ce que je disais c'est qu'on prend son entrée dans l'après-midi par exemple, on va se balader, on découvre Alors pour ceux qui n'ont jamais été au parc floral, c'est vraiment un parc magnifique hein. C'est vrai qu'il y a plein de choses, plein de végétaux de tous les pays, il y a des cerfs, il y a plein de choses à découvrir et c'est vraiment l'occasion de faire une bonne balade en famille, on peut même louer des vélos et tout ça, il y a un tas de choses comme ça. Voilà, on emmène le pique-nique et à 18h on on peut assister à notre concert, voilà, qui aura lieu là-bas en plein air et voilà, je pense que ça va être un moment très sympa. Sinon, une autre date aussi qu'on peut d'ores et déjà annoncer, puisqu'elle est prévue déjà depuis un moment et que j'ai vu qu'il commençait déjà la promotion et c'est une très bonne chose, c'est le 14 février pour la Saint-Valentin. Ah oui. On sera à la MJC de Romorantin. Mmh. Voilà, donc pour un concert spécial Saint-Valentin. Voilà. Donc la thématique s'y prête plutôt. Et voilà. Donc, et puis après, il y a d'autres choses hein, dans les tuyaux. Voilà, parce que nous, on a l'habitude de tourner, je dirais, sur la région orléanaise, bien sûr, mais aussi, je dirais, dans la grande région centre, régulièrement, voire ailleurs. Et voilà, là je sais qu'on devrait retourner normalement en Creuse, dans l'Allier. Enfin voilà, il y a des choses il y a des choses dans les tuyaux qui vont se confirmer. Et puis voilà quoi. Mmh. Pour suivre justement les dates, où est-ce qu'on peut aller? Il y a le Facebook déjà. Il y a le Facebook, les ailes au nord. Mmh. Et puis sinon, on peut aller sur notre site lesailesaunord.com. .com. Très bien. Et dès que c'est confirmé, voilà, donc on essaye de les mettre régulièrement à jour. Voilà, et puis d'ailleurs sur ce site vous pouvez voir plein de choses hein, si ça vous des vidéos, du son, voilà sur le groupe quoi. Très bien, donc c'est il faut aller faire un petit tour. Et justement, je voulais dire quelque chose, mais je ne me souviens plus. Ça arrive. Et il y aura au fur et à mesure où il y aura les dates, on pourra aller voir là-haut, elles seront confirmées. Et je sais aussi que les gens qui écoutent la radio comme ça, ils écoutent plein de dates, ils n'ont pas forcément un stylo. Donc on peut rappeler les dates, mais on peut aussi les voir justement sur le Facebook ou sur le site lesailesaunor.com. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc c'est le mieux grâce à Internet. Aujourd'hui, on peut tout avoir. Il suffit de taper Les Ailes au Nord. Vous êtes le seul groupe qui s'appelle comme ça, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Il y a des choses qui s'appellent Les Ailes du Nord. D'ailleurs, c'est pas des groupes de musique, mais nous, c'est Les Ailes au Nord. Hein. Et voilà. Donc vous pouvez pas vous tromper. Un duo de chansons françaises, un gars, une fille. Très bien. Justement, d'où vient ce nom? Alors, je vous avais déjà posé la question la dernière fois, mais bon, on va la reposer pour les gens qui n'auraient pas écouté cette émission ou qui s'en souviendraient plus. Et en fait, avec un des précédents projets qu'on avait fait avec Ariane, à l'époque où elle était altiste, c'était avant qu'elle se mette à chanter vraiment, enfin elle chantait un peu, mais elle n'osait pas trop encore chanter sur scène et tout. Donc, et on avait monté un projet autour de mes compositions et voilà, qui s'appelait Stéphane & Co. Et donc c'était un projet solo auquel, mais en même temps, avec des gens, avec des participations, de ouais, des personnes. Participations, mais des gens, c'était quasiment tout le temps les mêmes, c'était pas quelque chose qui changeait tout le temps, donc c'était entre un groupe et un projet solo, voilà. Et en fait dans ce projet là il y avait un titre qui avait été écrit par un copain à moi à l'époque et qu'on reprenait parce que je le trouvais excellente. C'est une chanson qui s'appelle Éléonore. Oui. Et donc c'est le jeu de mots, voilà. Voilà, et donc tout simplement pour faire le lien avec ce projet là avec le nouveau projet Les Ailes au Nord, c'était de choisir un nom qui évoquait en même temps le passé et puis qui permettait aussi de se tourner vers l'avenir. Enfin voilà, c'était un petit peu soi pour trouver le jeu de mots sympathique, puis ça sonne bien, moi je trouve. Oui, ça sonne bien, ça sonne très bien, ouais. Voilà. Et puis c'est sûr que quand vous êtes passé la première fois, j'ai très bien retenu. Et je me souviens, on parlait tout à l'heure de Sébastien, l'animateur sur Radio Arc-en-Ciel. Et lui, plusieurs fois, je l'ai entendu dire les ailes du Nord. Et je l'avais repris, moi, je me souviens très bien. Donc effectivement, il a pu y avoir une petite confusion. Les Ailes au Nord, c'est le jeu de mots, Éléonore. Voilà. Très bien. On écoute un petit peu de musique parce qu'on a quand même parlé pas mal. Il y a eu l'agenda, il y a eu ce petit préambule, ouais. On va dire ça comme ça. Et on va écouter. Alors j'ai calé plusieurs morceaux parce qu'il y a quand même l'ancien album, il y a le nouveau, il y a des morceaux qu'on a écoutés, d'autres qu'on n'a pas encore écoutés. Je propose qu'on revienne au premier album, oui. Et qu'on écoute une des chansons qu'on n'a pas écoutées qui s'appelle Un peu d'air. Ok, c'est bon. Ok. C'est parti. On écoute un peu d'air. C'est tiré de l'album Une histoire en chanson. Ce sont les Ailes au Nord. Avant, c'était un déchirement. Mon absence, même pour quelques jours. Maintenant, je sais que c'est un soulagement pour toi quand je pars, mon amour. Ta part pousse devant l'atelier. Le cendrier a débordé. Au milieu des cartons de pizza, pas grave, tu fais des petits tas. Quand tu rentreras dans 15 jours, tu seras pas surprise, mon amour. Le ménage sera fait, je serai beau. Juste un ou deux kilos en trop. Juste un ou deux kilos en trop. Comme je suis pas là pour te sentir. Et que l'écologie c'est l'avenir. Pour faire des économies d'eau, t'attends que ça te gratte trop. Tes copains habitent le salon. Y'a même les deux que je déteste. Ils ont apporté leur poison, la Nintendo et les canettes. Quand tu rentreras dans 15 jours, tu seras pas surprise, mon amour. Le ménage sera fait, je serai beau. Juste un ou deux kilos en trop. Juste un ou deux kilos en trop. Avant, c'était un déchirement. Mon absence, même pour quelques jours. Maintenant je sais que c'est un soulagement pour toi quand je pars mon amour. Quand tu rentreras dans 15 jours, tu seras pas surprise mon amour. Le ménage sera fait, je serai beau. Juste un ou deux kilos en trop. Juste un ou deux kilos en trop. Juste un ou deux kilos en trop. Juste un ou deux kilos en trop. Et c'est tellement vrai en plus hein, au niveau des paroles. Donc on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Un peu d'air, qui nous parle de l'histoire des copains, etc. Donc dans les couples, dans les formations des couples, c'est vrai qu'on se reconnaît beaucoup, hein, il y a quand même pas mal de choses. Et il y avait notre ami Tip qui nous disait tout à l'heure, voilà, il avait découvert les premières chansons et il avait dit cette musique qui est à la fois triste et tellement réaliste et tellement d'actualité quand elle parle des mecs qui eux sont pervers. Tout à l'heure c'était dans une autre chanson, je me souviens plus exactement laquelle, où il parlait justement qu'il pensait qu'à ça quoi. Donc effectivement il y en a certains qui peuvent se reconnaître. Voilà, donc on a parlé des projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets, les concerts, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en route, peut-être un clip vidéo, non? Alors oui, tout à fait, en fait on a en projet de faire un voire deux clips. Et on hésite encore un petit peu sur le choix des titres. Donc tu nous diras, toi, sur le nouvel album lesquels tu penses. Je te dis rien pour l'instant, parce qu'on a déjà notre petite idée, mais on hésite encore. Non, en fait, l'idée, ce serait de faire un vrai clip, donc avec des images, un vrai tournage, pourquoi pas des acteurs. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Puis aussi de faire ce qu'on appelle une lyrics vidéo, un peu élaborée. Donc, en fait, on met... avec donc les paroles, mais les paroles animées. C'est-à-dire que ce serait pas simplement une photo avec les paroles qui défilent en type sous-titres, mais vraiment une vraie animation, une sorte de mini-dessin animé avec les paroles qui bougent en rythme et tout. Donc l'idée, c'est de faire ces deux choses-là sur deux chansons différentes. Mm-hmm. Ah ouais, donc vous avez trouvé les personnes pour faire ça, parce que ça doit pas être évident non plus au niveau déjà un vidéaste qui fasse les montages, qui fasse tout ça. Ah. Et puis après aussi si c'est des images animées, là ça demande quelqu'un qui s'y connaît vraiment en animation vidéo quoi. Donc voilà, alors on a des idées de personnes avec qui travailler. Ça va se faire après Bon, on est encore à la phase où on réfléchit déjà à quelle chanson exactement, ouais, même si on a une petite idée. Et puis, déjà, on a arrêté vraiment cette chose-là. Donc, sur faire deux titres un petit peu... Voilà. Et donc, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, parce que c'est vraiment dans les tuyaux et on essaie de se mettre d'accord entre nous. Et puis après, on verra pour plus en parler. Mais ouais, c'est dans le projet. Idéalement, ce serait bien que ça sorte au moins un avant la fin de l'année. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même dans les mois qui viennent, quoi. C'est ça. Ouais. Mmh. Ouais, dans les mois qui viennent, il y a ça. Puis après, il y a tourner un maximum. Là, on essaie de chercher un maximum de concerts. De se produire. Dès qu'on peut, là, reprendre vraiment, repartir un peu partout, quoi. Faire connaître notre spectacle, jouer devant des nouveaux publics, des gens aussi qui nous connaissent, parce que c'est bien d'avoir ce point de vue de gens qui nous ont connus il y a quelques années et qui viennent nous dire en concert « Ah, elle était bien la nouvelle !» ou « Oh, c'est pas terrible la nouvelle !» Ah ouais, donc c'est toujours intéressant de... Voilà. Mais après, quand ils disent ça, c'est pas une critique facile. Il faut aussi qu'ils argumentent et qu'ils disent voilà, j'ai préféré celle-là pour telle raison, etc. Quoi, peut-être. Ou alors peut-être certaines dérangeraient-ils des personnes parce qu'ils se reconnaissent vraiment trop bien dedans et finalement, ça me dérange un petit peu ta chanson parce que ça parle trop bien de ce que j'ai pu vivre ou une chose comme ça. Quoi, non? Ah bah c'est clair que y a certaines chansons. Je pense à notre famille qui sont peut-être pas faciles à entendre. Mm-hmm. Enfin, c'est des reproches, etc. Mais c'est juste parce que ça replace. Enfin, il y a un côté nostalgique qui est des fois quand ça vient de ses propres enfants qui écrivent par rapport à ça, qui on se projette et bon, on prend un coup, quoi, on prend un coup de vieux. Oui, et oui, oui. Parce qu'il y a des histoires, c'est vrai que moi je vous connais déjà depuis quelques années, il y en a certaines qui me paraissaient à l'époque, et avec un peu de temps, ben, on se dit finalement il y en a d'autres qui nous touchent plus. Celle-là, c'est déjà un peu du passé. Mm-hmm. Il y a une évolution. Et donc, par rapport à votre histoire qui raconte une histoire d'un couple depuis leur rencontre jusqu'à la fondation de famille, etc., ben, on avance aussi, le curseur se déplace, donc au fur et à mesure. Donc je pense qu'à un moment on peut être touché plus par une chanson et quelques temps après peut-être plus par une autre. Oui, tout à fait, ça avance avec la vie, quoi. Donc voilà, l'idée c'est le couple. D'abord il y a les rencontres, mm-hmm. Après il y a le couple qui se constitue, l'emménagement, les disputes, enfin voilà, et puis après... Puis après on se sépare, et puis un autre couple se reforme, et puis là, l'âge avançant, les enfants arrivent, alors il y a plein de nouvelles aventures. Et voilà, donc on verra la suite après. Oui, ça c'est la vie des gens, mais finalement c'est une véritable aventure quand on regarde bien tout ça. Ouais. On se dit, tiens, on est déjà passé par ce stade-là, tiens, celui-là on ne le connaît pas, celui-là on espère jamais le connaître, voilà. Et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, alors ça peut donner aussi des idées justement à d'autres couples qui écoutent et disent, tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais on vient de former un couple et un jour il y aura peut-être des enfants, un jour peut-être, et ainsi de suite. Quoi. Voilà, ça donne, je pense que tout le monde s'y retrouve à un moment ou à un autre. De toute façon, pour les gens qui veulent fonder un couple, hein, ceux qui veulent rester tout seuls, à la limite... Ah bah on a des chansons sur le célibat au début du spectacle aussi. Oui, hein. Tout à fait aussi. Voilà, donc forcément, ça touche tout le monde. On réécoute encore un petit peu de musique. Ok. On revient au nouvel album. Alors, le nouvel album, il s'appelle Petite Suite Parentale. Et le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qu'on n'a pas encore diffusé. Donc, c'est le numéro 7. Ça s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La comptine de ton ex. Donc, celle-là, vous ne l'avez pas interprétée jusqu'à présent. Non. Donc, on s'écoute tout de suite. Ok. On fait comme ça, alors. C'est parti. Ton ex, elle est moche, être mieux, c'est fastoche. À chaque fois qu'on la croise, elle est des plus sournoises. Elle tente des approches, des regards, te décoche. Joue la fille spirituelle, n'empêche qu'elle est pas belle. C'est dingue de manquer d'ego à ce point, de ne pas se rendre compte qu'elle ne représente rien. Parfois j'ai même de la peine pour elle. D'autres fois je rêve de gifler cette demoiselle. Elle crève d'envie d'avoir dans son lit. Ses yeux ne demandent que ça. Moi j'en rigole tout bas. Elle maintient le lien avec tes copains afin d'être toujours là aux soirées où tu vas. C'est dingue de manquer d'ego à ce point, de ne pas se rendre compte qu'elle ne représente rien. Parfois j'ai même de la peine pour elle. D'autres fois je rêve de gifler cette demoiselle. Et toi, tu la snopes comme un vieux microbe. Parfois tu es poli, là c'est moi qui te pourris. Parfois tu es poli, là c'est moi qui te pourris. Parfois tu es poli, et là c'est moi qui te pourris. Voilà, donc la piste numéro 7 s'appelle La comptine de ton ex, et c'est tiré donc de l'album Des ailes au nord, Petite Suite Parentale. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec Stéphane, puisque Ariane a dû s'absenter. En début d'émission, il y a eu plein de lives, et vous pourrez retrouver ces lives dans le podcast, et on va remercier notre ami Florent qui nous écoute et qui fait les podcasts. Donc c'est un auditeur qui fait un peu partie de l'émission Mavrica, on va dire ça comme ça. Il enregistre donc toutes les émissions, et après il les met sur internet pour les gens qui les auraient loupés. Donc si vous avez loupé, si vous arrivez maintenant chez vous, vous écoutez la radio et vous avez loupé les lives, bah les lives ils seront très bientôt sur le Facebook de l'émission Mavrica, et nous les repartagerons sur le blogspot aussi qui est fait par notre ami Didier. Voilà, on a tout dit. Parce que là je suis un peu en retard, mais ça va pas tarder. Ouais, mais t'es revenu de vacances, moi j'avais repris l'émission, donc t'es revenu qu'une semaine après, il y a un petit peu de retard, mais il y a déjà pas mal de choses dessus. Qu'est-ce que tu as fait dessus déjà? Sur le blog? Blogspot. J'ai rien du tout. Non, j'ai rien fait. Ah, pourtant tu as déjà fait des trucs, mais tu les as pas postés alors. J'ai fait les sessions, j'ai posté les sessions sur le site archive, là. Mm-hmm. Mais ouais, c'est tout. c'est tout. Puis j'ai fait les photos, j'ai fait la vidéo de West Orleans. Bah oui, il y a beaucoup de travail quand même autour de cette émission. Et puis ce week-end, je vais peut-être faire carrément les trois blogspots d'un coup sur la même page. D'accord. Et donc ce soir, tu as fait aussi des photos. J'en ai pas fait beaucoup. T'as fait aussi des captures vidéo. J'ai plus fait de la vidéo comme ils ont fait beaucoup de live. Mm-hmm. Les photos, tant pis. Ouais, mais les photos, il y en a déjà dans la boîte qu'on a fait tout à l'heure. Donc il y a de quoi alimenter quand même. On va garder de bons souvenirs. On va en avoir 3-4 qui devraient pas être mal. D'accord. Voilà. Ouais. Il est modeste. Voilà. Souvent il y a des très belles photos. D'ailleurs j'ai vu que tu avais posté les nouvelles photos parce que moi je poste les photos les West Orleans tout à l'heure. Les West Orleans, donc les photos que tu as prises pendant leur interprétation, pendant leur passage dans l'émission Mavrika, c'était la semaine dernière. Oui. Donc. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé aussi de plusieurs artistes. On a parlé, par exemple, d'une personne qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps. On est venu à parler de lui. Donc, apparemment, tu le connais aussi. C'est Mourad. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça que tu as envie de citer? Des gens parmi lesquels, ceux qui sont venus dans l'émission Mavrika, ou des gens peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on aurait envie d'inviter? Y en a tellement que je vais en oublier, mais... c'est vrai que sur les scènes ouvertes à Main-sur-Loire, on pourra peut-être en reparler. Tu peux en parler. Bah, allons-y. Hein. Avec Dani, la responsable du café culturel Les Petits Instants de Main-sur-Loire, on organise une fois par mois les instants cabarets. Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent de tout genre. Bon, il y a beaucoup de musique, hein, mais il y a aussi des artistes, qui viennent dire des textes, du théâtre, de la poésie. Mm-hmm. Donc voilà, l'idée, c'est de recréer un petit instant cabaret entre 20h et 22h tous les premiers vendredis du mois, sauf exception, quand il y a des vacances, tout ça, tout. Et donc on est quelques fidèles à participer à ça, et c'est vrai que je voulais d'ailleurs saluer François Weiss, qui est là à chaque fois et qui est... je pense que il a accompagné déjà pratiquement tous les artistes de la région, parce que dès qu'il a la possibilité d'accompagner quelqu'un, il est là, quoi. En plus, il s'adapte vraiment à tous les styles. Moi, je l'ai vu accompagner des groupes de rock, des groupes de blues, de la chanson française. Il est vraiment, sur le moment, il arrive à nous sortir des trucs polyvalent, super bien. Très polyvalent. Polyvalent et en plus très actif, parce qu'il y a un groupe, oh, ça lui plaît, il monte et hop, et il joue un truc. Hein. Il y a pas de... François, il est capable de... Il y a un poète, qui s'installe. Il trouve que ça manque de musique. Il est capable de faire prendre une guitare à quatre cordes, de s'asseoir et de faire un fond musical et d'ambiancer la poésie que le poète est en train de dire, par exemple. D'accord. S'il le veut bien, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a il peut pas s'imposer non plus. Mais c'est des gens. Souvent, il y a des bons duos comme ça qui peuvent se faire. Un groupe, et puis tout d'un coup, il y a un harmoniciste qui monte sur la scène et qui, hop, et puis ils font un truc super bien, quoi. Ouais, ça. Donc l'idée, c'est ça. Alors après, les scènes ouvertes qu'on fait, il y a plein d'autres artistes qui viennent. Il y a souvent les Hobby Blues qui viennent en acoustique. Alors ils sont pas tous là en général. Il y a souvent, on peut citer Jean-Marie, Jean-Michel qui vient aussi. Enfin bon. Après, on est plein à participer à ces soirées. C'est là qu'on rencontre aussi des musiciens. J'ai rencontré un artiste dont je voulais parler aussi, qui s'appelle Antoine Ménager, qui fait de la chanson française et un peu à texte, un peu théâtralisé aussi, et qui est très très bien. Il y a Mourad, bien sûr. Enfin, il y a plein d'artistes. Je pourrais pas tous les citer, mais qu'on rencontre et qui sont très intéressants. Donc moi, ce que j'invite les gens, c'est aller dans ces soirées. Il y a des petits instants, mais il y en a d'autres. Hein. Je sais qu'à Laillé-en-Val, il y a des choses. Je sais qu'il y a des choses aussi à Orléans. Non, café de la mairie. Ouais, voilà. J'y suis passé juste à côté hier, toi. Là. Et puis j'ai regardé un petit peu où ça pouvait se... Parce que bon, c'est un endroit où j'ai envie d'aller un de ces jours. Ah, bah, il faut. Ouais. Et puis il y a aussi, je crois qu'il me semble qu'au Club 15 aussi, des fois, il y a des choses. Oui, tout à fait. C'est un des endroits qu'on cite aussi. Voilà, donc aller dans les endroits aussi, pas seulement pour les concerts, mais aussi quand il y a des gens qui viennent présenter des fois 2-3 œuvres, on découvre des choses. Et moi, j'ai découvert plein de choses. Je pourrais pas tous les citer. Par exemple, il y a une troupe qui est venue souvent de théâtre, c'est la Compagnie des Ailes et des Îles, par exemple. Ah, ils sont de la Chapelle Saint-Mémin, ça. Ils sont de la Chapelle Saint-Mémin, et c'est très très bien ce qu'ils font, et ils sont venus plusieurs fois lors des scènes ouvertes. C'est vrai que c'est... Voilà, et Mourad, on l'avait déjà rencontré lors d'un concours de chansons françaises avec les Ailes au Nord, mais il est venu plusieurs fois aussi aux petits instants. Donc voilà, on avait rencontré aussi Joshua Cook, on l'avait rencontré lors d'une scène ouverte, justement, aux Copains d'abord à Salbris. Donc voilà, donc il y a un tas de rencontres qui se font, soit sur des festivals, soit sur des scènes ouvertes, des plateaux partagés. Enfin, nous, on aime beaucoup quand on peut le faire, quand ça peut se goupiller. Il y a aussi un groupe que je voudrais parler, qui s'appelle Alf, vous devez connaître. Alf, oui, voilà. Tout à fait, oui. Donc, parce que dans le cadre de mon travail, je les ai vus souvent, et vraiment c'est un très très très très bon groupe et très très sympathique. Et ils sont excellents. C'est vrai que moi je les connaissais depuis longtemps. Hein. C'est vrai que ils sont aussi de la Chapelle. Hein. Et puis il y a pas très longtemps, je les ai vus pour la première fois, parce que d'ailleurs je les connaissais, mais je les avais jamais vus jouer, et j'ai été épaté. Franchement, super bon groupe, et ils avaient postulé aussi pour le Maverick Alive, ils n'ont pas été retenus cette fois-ci, mais j'aimerais bien un jour les faire jouer aussi, parce qu'ils font plein de superbes reprises, ils ont vraiment du talent, donc le groupe Alf. Voilà, et je ne les ai pas encore reçus dans l'émission. Je les contacte pour essayer de trouver une date, mais ça va se faire un jour, ils viendront forcément ici dans les studios pour présenter leur travail. Hein. Voilà, on avait partagé aussi la scène avec Arcadia. Eux, c'est des habitudes, ils sont déjà vus plusieurs fois. Très bien. Voilà, donc... C'est bien de citer ces gens-là, parce que vraiment, ils le méritent. Hein, j'en oublie plein, hein, donc... Sûr. Mais bon, c'est là, à brûle-pourpoint, sans y avoir réfléchi, c'est ceux qui me viennent de la région, hein, parce qu'après, il y a plein d'autres artistes qu'on rencontre aussi ailleurs, et voilà, mais bon, c'est important entre régionaux, de se connaître, d'aller se voir les uns les autres, quand on peut. Parce que c'est un petit peu dommage sur Orléans. Moi, je trouve qu'il y a des petits clans, il y a des gens qui se mélangent pas vraiment avec d'autres. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que justement, tout le monde, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, quel que soit leur style musical, voilà, il y a toujours quelque chose à échanger, toujours quelque chose de bien. On peut toujours venir d'un style musical, par exemple du punk ou du métal, et puis avoir envie aussi d'écouter autre chose, et inversement. Hein. Oui, quelqu'un qui écoute de la musique, qui fait de la musique française, la chanson française, simplement, et puis un jour il a envie d'écouter un peu de la musique un petit peu plus musclée et tout ça. Moi, je trouve que c'est enrichissant pour tout le monde de rencontrer. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a peut-être des clans comme ça, et on aimerait bien enlever toutes ces barrières. Voilà. Et puis sortir un maximum quand on peut, parce que bon, moi on est le premier, je sors pas assez voir les autres, je le sais. Mais bon, après... Faut pouvoir aussi. Faut pouvoir. Alors, c'est vrai, quand on a des enfants en bas âge, tout ça, c'est vrai, on sort jamais assez. De toute façon, moi, je pars de ce principe-là. Que ce soit pour les sorties culturelles, sportives ou autres, on sort jamais assez. C'est vrai que nous, on fait l'effort avec Didier d'aller assez souvent à beaucoup de choses. Beaucoup, ouais. Beaucoup, voilà. mais même comme ça, tu passes à côté de plein de trucs, parce que tu peux pas être partout non plus. Tu peux pas être partout. Donc, on essaie de... Et puis après, t'as des groupes aussi que tu aimes, que tu suis, donc t'es plus forcément... plus avec eux qu'avec d'autres, quoi. C'est sûr. On passe forcément à côté de certains, et c'est un petit peu dommage, mais il faut quand même faire l'effort d'aller voir des groupes. Moi, j'aime bien justement quand il y a plusieurs groupes, plusieurs artistes différents, on y va pour un, et puis on découvre les autres, et puis ainsi de suite. Donc après, ça fait découvrir plein de gens, et c'est vraiment enrichissant. Voilà. Le dimanche dernier, on était au Brock'n'Roll. C'était organisé à Talcy par les Red Daff. Et on a eu l'occasion de découvrir le groupe Odéon, le groupe 41. On a découvert aussi le groupe... je le connaissais déjà. On les avait vus à Balade en Musique. C'est le groupe Soul Latitude qui était là, qui viendront, hein, de tous ces groupes-là ont prévu de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. Il y avait aussi Sadia, donc Sadou et Yacine, des gens qu'on... Donc c'était Sadia, parce qu'ils étaient marqués, Sadou sur le coup. Il y a eu quelques petites erreurs, effectivement, il y avait Sadou, mais Sadou, c'était pas son projet à lui tout seul, c'est quand même Sadia, donc avec Yacine. C'est des petites erreurs, voilà, parce qu'on connaît bien Sadou. Sadou et ils avaient peut-être un petit peu oublié Yacine, ce qui est un petit peu dommage. Et il y avait aussi des erreurs. Moi, j'ai vu par exemple Sous l'attitude, c'est l'attitude avec un L et c'est écrit avec attitude. Donc si on cherchait, on les trouvait pas. Mais bon, c'est bien eux. Hein. Donc il y a eu des petites erreurs au niveau des commentaires sur les photos. Mais bon, on a réussi quand même à trouver. C'était bien Sadia qui était là-bas. Bon. Et après, on a aussi rencontré d'autres groupes, hein, parce que quand il y a de la musique, il y a aussi d'autres gens qui sont venus nous voir. Il y avait les Infernal Flash Pep, il y avait j'en oubliais. Tiens, il y a aussi un groupe qu'on va diffuser ce soir pour la première fois, parce qu'ils m'ont laissé leur album et ils viendront dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Il faut qu'on arrête une date. C'est le groupe Douk qui avait aussi postulé pour le Marvel Live. Ils n'ont pas été retenus, mais ils m'ont dit ouais, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont plus d'amis et tout ça. Nous, on n'est pas forcément connus. Mais j'ai dit persévérez parce que vous étiez pas loin. Donc il y a des chances qu'un jour ils fassent partie du Maverick Live. Donc j'ai dit non, mais de toute façon il n'y a pas de souci, vous viendrez faire une émission et on les découvrira tout à l'heure aussi. Donc avec cet album, je crois qu'il s'appelle Douk tout simplement. Alors j'ai écouté, et, bah c'est super agréable et puis c'est la chanson française. Tu connais un petit peu, non? Alors est-ce que c'est un duo? Oui, c'est un duo. Voilà, parce qu'ils sont venus donc à Main-sur-Loire aux scènes ouvertes, comme Sadou qui est déjà venu en solo aussi. Sadou aussi. Donc donc oui, je connais un petit peu, mais moi je connaissais la version duo, je dirais plutôt acoustique, voilà. D'accord, ben, on va écouter tout à l'heure un morceau, hein. C'est vrai que je l'ai écouté une seule fois, donc il faut un petit peu que je m'imprègne un peu plus pour choisir les morceaux, parce qu'on m'a dit, tu diffuses le morceau que tu veux, celui qui te fait le plus plaisir. Donc, la 4 La 4. La 4, c'est toujours la meilleure, quel que soit l'album, la 4. C'est un truc qu'on dit. Et souvent, c'est vrai que souvent, la 4, c'est une bonne chanson. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit peu de musique aussi, parce qu'on parle beaucoup. On va écouter peut-être notre ami Mourad. Alors, j'avais des morceaux de son dernier album, mais je les ai pas trouvés, donc on va revenir à l'ancien, qui était aussi très bien. Et on passera des chansons de son dernier album dans les prochaines émissions. Alors, un morceau qui s'appelle Les Châteaux de Sable. Je sais pas, tu dois la connaître. C'est, moi j'aime bien, c'est très bien écrit. Mourad, c'est quelqu'un qui est super agréable, c'est quelqu'un qu'on adore vraiment. Et pendant un petit moment, il avait laissé tomber un petit peu la musique. Et il y a quelques temps, je l'avais rencontré dans un concert des Chili Dogs. Et il m'a dit, tiens, tu sais, je reviens un peu à la musique, donc ça serait bien qu'on prévoie une émission. Il est passé il n'y a pas très longtemps. Et on est vraiment content de voir qu'il revient à la musique parce qu'il a énormément de talent. Et je propose donc qu'on écoute un morceau qui s'appelle Les Châteaux de Sable. Mourad. Tout petit déjà, t'as ta pelle et ton seau. Tu sois fille ou garçon, tu fais de jolis châteaux dans lesquels on délit avec de belles histoires, celles qui font rêver quand on est dans le noir. Les années défilent, on s'affirme, on empile. D'abord de gros culs, puis des pièces qui s'affinent. Épris d'une couleur de laquelle on se lasse. On s'en rend parfois compte une fois que les années passent. Au sens d'avouer, la vie n'est qu'un chantier. Si tu veux qu'elle soit belle, faut savoir prendre des pelles. Pas de honte à avoir, comme tout le monde on s'égare. Le temps n'est pas perdu, il faut l'avoir vécu. C'est fou comme tout s'illumine durant les années lisses. Telle une merveille du monde, on peaufine l'édifice. Comme on surveille un phare, on regarde vers le haut, sans vérifier qu'en bas les fondations prennent l'eau. Ça s'effrite, on s'enlise comme des sables mouvants. On s'enferme, on angoisse, on ne voit plus les printemps. On gardera le plus beau, on fera le bilan. Ce qui nous permettra de construire ailleurs et autrement. Alors, autant se l'avouer, la vie n'est qu'un chantier. Si tu veux qu'elle soit belle, faut savoir prendre des pelles. Pas de honte à avoir, comme tout le monde on s'égare. Le temps n'est pas perdu, il faut l'avoir vécu. Alors on prendra notre temps, riche de nos carcans. On sait bien maintenant qu'avec du sable mouillé, on est consolidé. Autant se l'avouer, la vie n'est qu'un chantier. Si tu veux qu'elle soit belle, faut savoir prendre des pelles. Pas de honte à avoir, comme tout le monde on s'égare. Le temps n'est pas perdu, il faut l'avoir vécu. Autant se l'avouer, la vie n'est qu'un chantier. Faut savoir prendre des pelles, le temps n'est pas perdu, il faut l'avoir vécu. Voilà, donc ça fait plaisir d'écouter un petit Mourad. Voilà, un artiste qu'il faut vraiment découvrir si vous êtes dans la région orléanaise, même un peu plus loin, si vous avez l'occasion de voir qu'il passe faire un concert à côté de chez vous. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Et puis écoutez bien les paroles, c'est très bien écrit et puis superbement interprété. Et vous aurez en plus le sourire. Voilà, parce que Mourad, c'est quelqu'un qui est très agréable. Et puis moi, je me souviens que avant de sortir son album, il avait dit voilà, je suis prêt pour si vous m'aidez à faire cet album, de faire des choses qui me ressemblent vraiment. Par exemple, si on lui donne une certaine somme d'argent, il s'engage à aller pendant une heure ramasser des déchets au bord de la Loire, des choses comme ça. Moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux gens et puis qui a envie aussi de prendre soin de la planète. Ça, c'est très important en tout cas. Voilà, donc l'émission, on va très vite. Alors, je vous avais promis aussi de diffuser un morceau de Duke. Donc, j'ai choisi la 4. On va l'écouter. C'est un tube. C'est un tube. Ouais, ouais. J'en suis sûr. Ça sera peut-être celui-là, le tube de cet album. Et puis, donc, on va retenir une date aussi pour qu'ils viennent dans l'émission. Alors, ça sera en début 2020. Voilà, pas avant, hein. Donc, en début 2020, ils viendront ici. On va essayer de décider ouais, de la date. J'ai déjà aussi des contacts pour 2020. Là. Ouais, parce que 2019, ça commence à être un petit peu serré, là. Ah, il y a encore décembre. Ouais. Oui, il y a encore. Oui, ouais. Mais il y a... décembre, j'attendais justement que la Jarry nous donne la première date pour proposer les autres à d'autres groupes. Donc, ça va aller très vite hein, au niveau de décembre. Et puis après, bon, de toute façon, c'est des gens qui veulent passer dans l'émission. Tu as fait aussi une page où on peut s'inscrire aussi pour passer J'ai dans l'émission. J'ai fait un formulaire Google, oui, tout à fait, oui. Voilà, donc les gens. S'il y a des musiciens qui nous écoutent ou des membres de groupe, ils remplissent. Voilà. Et nous, on les recontacte après pour organiser justement leur passage à la radio. Ouais. Bah, c'est bien ça, c'est ça, ouais, ils nous mettent un petit morceau de musique pour qu'on se rende compte de ce qu'ils font. Et ouais. Puis, voilà. Très bien, donc leur nom, leurs coordonnées. Bah, surtout les coordonnées, c'est pas mal. Après, on arrive toujours à se débrouiller, on peut les contacter. Hein. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens comme ça, et puis on n'a pas de carte forcément sur soi. On dit, bon, on se retrouve sur Facebook, hop, on tape le nom, hop, on les voit, on les demande à un ami, ou alors on met une page j'aime, on met un petit j'aime, et puis après, on s'envoie des messages. Je propose donc qu'on écoute Duke. À la suite, hein. Le numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est Histoire sans parole. Alors, ça se trouve, c'est un instrumental. C'est pas une chanson sans parole. Je sais plus. On va découvrir, on verra bien. Et sinon, de toute façon, on va découvrir tout au long des semaines qui suivent, jusqu'à leur passage dans l'émission. Et puis après, on continuera aussi. Le groupe Duke, que j'ai eu l'occasion de rencontrer justement au Broken Roll la semaine dernière à Talsy. Voilà. Ils y avaient joué l'année dernière, je crois. Donc, ils y avaient joué l'année dernière, ouais. C'est ça. Tu t'en souviens. Ah oui. C'est parti. C'est parfois difficile, soit les mots sont pas bons, ou les rimes pas faciles. Alors je te propose une histoire sans parole. On fait une pause et les mots s'envolent. Qu'on a déjà tout dit, que dans toutes les chansons, tout a été écrit. Alors je te propose une histoire sans parole. On fait une pause et les mots s'envolent. Laisse tomber le texte pour sortir du contexte. On abandonne les mots, c'est bien plus rigolo. Et je te propose une histoire sans parole. On fait une pause et les mots s'envolent. Voilà donc la première diffusion d'un morceau de cet album, c'est le groupe Douc, D-O-U-C, et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle « Histoire sans paroles », et effectivement c'était une histoire avec des paroles, hein, voilà. Donc voilà, on revient dans les studios Radio Arc-en-Ciel donc avec notre invité. Ce soir, nos invités étaient les Ailes au Nord et Stéphane est resté jusqu'à la fin. Ariane a dû nous quitter parce qu'elle avait d'autres engagements, voilà tout simplement. Et en attendant, on était vraiment content de vous retrouver ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc on va rappeler peut-être les prochaines dates de vos concerts. Alors, la prochaine date, c'est le 12 octobre à Orléans, au Parc Floral, à 18h, dans le cadre des Nocturnes du Parc Floral. Ouais. Voilà. Et puis, je peux d'ores et déjà vous annoncer la date du 14 février, qui est... Les organisateurs ont déjà commencé à communiquer, ce qui est une très bonne chose. Ça c'est super quand c'est prévu bien à l'avance comme ça. Donc du coup, j'en profite aussi pour communiquer. C'est le 14 février à la MJC de Romorantin. Ça sera un super concert aussi. Et il me semble que c'est à 20h. Voilà. Voilà, donc les deux dates à retenir. Et puis sinon, après, pour se tenir au courant, après, il faut aller sur le Facebook et sur le site lesailesaunor.com. Voilà, tout à fait. Tout ce qui va se rajouter, ce sera marqué dessus. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, dont on pourrait parler maintenant? Non, moi je voulais juste faire un petit coucou à l'association Défi qui a organisé un super festival. J'ai fait un petit tour là-bas, c'était vachement bien et très bonne ambiance. Et puis voilà, je voulais en parler aussi parce que c'est là où on s'est rencontré avec Ariane il y a 20 ans. Ah ouais, dans d'accord. Les locaux à la source. Voilà, alors je répétais avec un groupe de reprises et puis. Et puis ben, elle est venue nous voir ce que ça donnait. Elle nous a dit qu'elle faisait de l'alto et puis du coup ben, elle a intégré le groupe. Voilà, donc et ça fait 20 ans. Donc voilà, c'était un petit coucou. Voilà, et puis sinon, je vous invite à vraiment aller voir sur notre site lesailesaunor.com. Voilà, pour voir plein d'infos, plein de photos, plein de vidéos et puis. Et puis à nous suivre sur Facebook. N'hésitez pas à liker notre page. Voilà, et puis. Vous serez informé un petit peu de tout ce qu'on fait. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Bon, on a forcément, on aurait pu tenir beaucoup plus longtemps, mais bon, on arrive à la fin de l'émission, on essaie de condenser un petit peu. Tu as quelque chose d'autre à rajouter encore, Stéphane ? Ah oui, je voulais vous remercier tous les deux pour votre accueil. Bah, merci à vous, c'est vraiment émission, un plaisir. Hein. Parce que c'est vachement sympa en plus de jouer en live comme ça, en acoustique. Ça met un petit peu de pression et puis c'est de la bonne pression. Et puis les photos, les discussions qu'on a quand les micros sont coupés, enfin bon, tout ça c'est du bonheur. Donc continuez, merci beaucoup. Ah bah, on va essayer de continuer le plus longtemps possible, hein, voilà. voilà, non, c'est important, voilà. Merci. Et puis donc c'est le deuxième passage des ailes au nord ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica, du moins, parce que tu connaissais aussi Sébastien, tu étais déjà venu avec Sébastien ici, non ? Alors non, on était, non. Je crois qu'une fois j'étais venu avec Francky le matin. Ah oui, Francky aussi, oui. Voilà, je sais que Sébastien nous diffusait régulièrement. Oui, ça oui, j'ai pu le constater, j'ai pu le vérifier même d'ailleurs. Très bien, donc c'est le deuxième passage, et puis si vous avez envie de revenir, recontactez-nous dans quelques temps, et puis voilà, on est content de suivre les aventures des ailes au nord, et puis donc dès qu'il y a de l'actualité ou un truc comme ça, ou alors simplement le temps passe, même s'il n'y a pas vraiment de, vous avez envie de revenir, c'est toujours un plaisir de faire une émission avec vous, en tout cas, voilà. Et bien entendu, merci beaucoup. On écoutait pas mal de musique, mais on va revenir, on va finir quand même en beauté avec un morceau des ailes au nord tiré du dernier album. Le dernier album s'appelle Petite Suite Parentale, et il y en a un qu'on n'a pas diffusé encore, c'est j'ai du mal à lire un petit peu. Tes lunettes, je les ai pas portées, non, et en plus c'est comme c'est écrit, un petit tout, ce petit rien, voilà. Ce petit rien. Voilà. Parce que c'est écrit sur les ballons, donc j'avais un petit peu du mal à. Donne-moi des excuses. Alors, celui-là, on ne l'a pas diffusé. Donc, je propose qu'on finisse avec ce morceau-là. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Mais tu remercieras Ariane à nouveau. Et puis, on se revoit dès que c'est possible. Il n'y a pas de souci. Et puis, à l'occasion d'un concert aussi, si je vois que vous passez dans le coin. Donc, j'irai vous voir aussi. Il n'y a pas de problème. N'hésite pas. Voilà. Donc, cette émission numéro 422 se termine. Donc, la semaine prochaine. On est arrivé avec ce numéro d'émission depuis le début. Hein. Ouais. La semaine dernière, c'était bien. C'était le 421. Ouais. C'est vrai que j'avais pas vu, c'était le jeu, quoi, le jeu de dés, 4, 2, 1. Et donc, la semaine prochaine, nous allons recevoir ici notre ami Fabien Dumas qui va nous parler de Ensemble Maintenant, donc l'événement, le concert par l'association des 100 arpents. Voilà. Concert avec voilà, justement, tiens, on va peut-être l'annoncer aussi, quoi. Avec Thérèse Électrique. Thérèse Électrique. Yeti. Et les Enfants de Panurge. Les Enfants de Panurge. Donc, ouais. Trois groupes qu'on a déjà reçus ici dans l'émission Mavrica. Non, pas les enfants. Non, on avait fait une Mavrica Live. Par contre, je suis pareil, je joue avec Thomas. Oui. Je pourrais bien qu'il passe. Oui, il va falloir qu'il passe, de toute façon. C'est vrai qu'eux, on a un peu grillé les étapes. Ils ont été à Mavrica Live avant même de passer dans l'émission. Mmh. Voilà, mais en tout cas, c'est Je suis allé les voir à Tours, à la Minute Blonde, à Chambrey-les-Tours. Ça envoie bien. C'est vrai que c'est un groupe c'est vraiment très agréable que j'aime bien. Voilà. Mmh. Thérèse Électrique, Yeti. Bon, je pense que là, il y a une bonne soirée à passer. Ah quoi. Oui. Voilà, très bien, on en parlera la semaine prochaine donc avec notre ami Fabien Dumas. D'ici là, bonne nuit, bon week-end, bonne semaine. Voilà. Et vendredi prochain. Magiques, alors les phrases magiques, on les dit. Allez, alors, everything is gonna be alright. Je commence par l'anglais. C'est ouais, une vie sans musique serait une erreur. Voilà. Et on termine par la meilleure alors. Et que le rock'n'roll soit avec vous. Voilà, cette émission est terminée. À très bientôt, merci Stéphane. Et puis, merci. À très bientôt. Donc on se quitte en écoutant ce morceau donc, de l'album, du dernier album des Ailes au Nord. Voilà, moi je l'ai et je suis chanceux. Donc procurez-vous-le, vous ne le regretterez pas. Ce petit tout, ce petit rien, les Ailes au Nord. Et sans lunettes en plus. Ce petit rien qui grandit en moi, c'est soudain. Nous deux, tu vois, je ne pensais pas que nous étions capables de ça. Que cela arrive aux autres gens, à celles qui veulent devenir maman, mais pas à ceux juste amoureux, pas prêts à être parents comme eux. C'est fou comme on se sent changé, et toutes ces questions à se poser. Est-ce que je devrais le garder? Ou bien ne naîtra-t-il jamais? Je me sens si jeune, je me sens si faible, malgré l'amour qu'il y a entre nous. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide pour pouvoir aller jusqu'au bout. Pleine d'enchantement, mais quand on est adolescent, comment donner cela maintenant? Pas encore l'âge de pouponner, de bien vivre une maternité. Pour être mort, j'ai décidé que je ne connaîtrai jamais. Depuis, je peux dire que souvent, j'ai regretté ce dur moment. Que je ne m'empêche jamais de compter, et ce depuis toutes ces années. L'âge qu'il aurait, ça bouille ma vie, s'il était avec moi ici. Toutes nos balades, nos rires, nos larmes, son regard, son premier cartable. Je n'aurais pu offrir sa vie à un bébé, moi qu'il était, à l'époque où c'est arrivé. Arrêter de se sentir coupable, comprendre que l'on n'était pas capable. Se pardonner et avancer, sans pour autant tout oublier. Si tu te sens par le son de la vie délaissée, si tu crois que ton chemin est fatal et destiné, si tu n'as plus l'énergie le matin de te lever, si tu crois que l'humour a quitté ton corps usé, si tu crois que l'espoir est la façon à adopter, si c'est dans ta famille et tes amis que tu trouves ton équité, si c'est la lumière du jour que ta vie va recommencer, que chaque aventure soit bonne à vivre et respirer. Viens dans ma maison, viens dans ma maison. Écoutez ce son, c'est vrai qu'il est bon. Ouais, c'est. Viens dans ma maison, viens dans ma maison. Cette terre que l'on t'a prêtée, que cette musique t'envoûte et t'amène en trip. Highway, highway. Si c'est dans le sourire des autres que tu commences à renouer, avec le son de cette vie que tu aimes à écouter. C'est pas poudé, viens dans ma maison, viens dans ma maison. Écoutez ce son, c'est vrai qu'il est bon. Ouais, c'est. Viens dans ma maison, viens dans ma maison, c'est. Oubliez tes peurs et ta raison. Musique ne tenait jamais sa veste. Rien musical sans pour ça est vraiment le best. On va faire voyer ce son du nord au sud-est en ouest. Écoute mes paroles, kiffe ma musique sans complexe. Quand tu entends ce son, c'est vrai, c'est son reggae. Tu n'en existes pas, tu dois te mettre à bouger. Tu entends une barre la main et tu vas l'emmener. Si on se sent désolé, vous allez vous aimer. Viens dans ma maison. Oui, viens dans ma maison. L'ultime pierre de son édifice, son dernier complice. demain. Demain, demain, tout ira bien. Demain, demain, tout ira bien. Et c'est demain. Demain, tout ira bien. Demain. Les tripots, qu'un marin serait parti au matin et que sa vie lui aurait posé un lapin. Left and leave me with my head. Now I feel something is broken. You don't care if I'm living or dead. What only matters is yourself, my thoughts and pride. All the good things inside me, just say goodbye, say goodbye. Come back around and tell me how. Can you give up if I don't even try? Something's different and I don't know why. I can't forget the time we had. Come back around and tell me how. Can you give up if I don't even try? Something's different and I don't know why. I can't forget the time we had. The time we had. Easy to say I'm your girlfriend and fucking another man's bed. I think you should be ashamed, 'cause you're the only one to blame. Take my love, let me cry. Shut up, stop your lies. Just say goodbye, say goodbye. Come back around and tell me how. Can you give up, but don't even try? Something's different, I don't know why. I can't forget the time we had. Come back around and tell me how. Can you give up, but don't even try? Something's different and I don't know why. I can't forget the time we had. If I don't even try, something's different and I don't know why. I can't forget the time we had. Come back around and tell me how. Can you give up if I don't even try? Something's different and I don't know why. I can't forget the time we had.